vous êtes assez fait. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On accueillera une nouvelle chroniqueuse, Valérie Deschamps, qui nous parlera de politique provinciale et fédérale. Et on apprendra des choses avec notre combo, C'est un fait, et Tania Escalante-Tania pour apporter. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Je parle pas trop vite les lundis matin. Je suis tellement excité pour le plan d'émission d'aujourd'hui, j'arrête pas de parler vite. Bref, bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 26 septembre 2016. On est à combien de jours de la fin de l'année scolaire? 213. Oh. J'allais dire quelque chose dans ces environs-là. Ouais, bah oui, tu t'enlèves les mots de la bouche. Mais oui, exactement. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On t'en dire les studios de Cifo à Trois-Rivières sur notre chanson thème de Vanessa Perrier à manier aujourd'hui parler résidus plasmiques. Plan d'émission aujourd'hui, je l'ai dit que ça m'excitait beaucoup. Ben, pourquoi est-ce que ça m'excite? Parce que, ben, on a des chroniques maison, comme d'habitude. On va faire C'est un fait. On va faire Tania Esgolin-Tutting. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt? Je vais faire un retour sur le Salon des vins de vendredi. Oh, oui. T'étais là, présente. Oui, j'étais là, présente. Travaillante aussi. Oui, c'est ça. Mais tout ça, c'est comme plate par comparaison à notre nouvelle chroniqueuse, Valérie Deschamps. Bonjour à toi. Hey, bon matin, bon matin. On accueille pour la première fois aujourd'hui. Dans quelques instants, tout à l'heure, après la première pièce de l'émission, on va parler de politique un peu. Un petit avant-goût de ce qui s'en vient plus tard. Écoute, on va parler d'un sujet qui se fait parler pas mal ces temps-ci. On va se parler de politique Parti québécois, mais par la bande plutôt. Vous allez voir, vous allez comprendre. Puis on va se parler aussi de projets de loi 106. Pétrole. Des mathématiques, du pétrole puis de la subtilité, c'est dans ta chronique tout à l'heure, Valérie Deschamps, dans quelques instants. Mais avant ça, une pièce du palmarès anglophone, Tania, c'est par Etou Broussé qu'on aime beaucoup. Ben oui, un band, comme tu viens de le dire, qu'on aime beaucoup, avec une de leurs nouvelles pièces qui ont fait leur entrée au palmarès depuis le dernier, c'est-à-dire que là, cette semaine, ça devrait revenir à la normale, on n'est plus sur un échelon de 2 semaines, non. Mais c'est la pièce Lasca. Assemblage requis tout de suite. C'est fou 89 FM. Calling out from summer when you're calling out your mind. c'était Etou Broussé avec la pièce Lasca. Quelqu'un a droppé un A quelque part. Qu'est-ce que ça? Ça arrive. Donc c'est un assemblage requis et comme on l'a dit en début d'émission, on accueille une nouvelle collaboratrice à l'émission à partir de cette semaine. Elle va être là pour, j'espère bien, l'année scolaire au complet. Ben, si vous voulez de moi, là. Ça se peut que non, écoute. ça se peut. Mais en tant que tel, on va te le dire tout à l'heure. Je pense que tu as signé pour un contrat de 4 ans. D'habitude, c'est le même en politique, des longs oui, mandats. Exactement. Bref, c'est Valérie Deschamps qu'on reçoit. Bonjour à toi. Hey, allô, je suis contente d'être là ce matin. Ça fait quand même longtemps qu'on te connaît, quelques mois au moins. On t'avait reçu comme invité. Spécial, ouais. Exactement, pour parler d'un livre à un moment donné. Et puis là, ben, on a eu bien du fun avec toi, c'était bien plaisant de discuter. Et puis, on s'est revus récemment parce que, quand même, tu passais dans le coin, puis ça te tentait de déposer un projet de chronique et on t'a repris au vol par le collège. Ah ouais, à maison. On niaise pas avec ça. Donc, maintenant qu'on a, pour vrai, on a discuté à la fin de la semaine passée, puis déjà, on commence aujourd'hui la chronique. Pas le temps de niaiser. Donc, présentons un petit peu pour commencer. Ben, peut-être ta personne, Valérie Deschamps, juste par général, pour les gens qui me connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Tu vas où? Qu'est-ce que c'est ça? Je viens ici à l'UQTR. Je suis étudiante en histoire en deuxième année au bac. Je suis aussi animatrice radio de formation. J'en ai fait pendant 2-3 ans. Comme Tania, regarde-moi ça. Tania, puis toi, On va devenir chummy. C'est ça. Au niveau politique, disons, j'en fais quand même beaucoup aussi. Je suis impliquée un peu partout dans la région, au Québec aussi. Là, j'essaie de m'impliquer le plus possible parce qu'il y a des trucs qu'il faut changer chez nous. Voilà. Évidemment, t'es impliquée d'un cours côté politique, mais ça veut pas dire que ta chronique va être biaisée de ce côté-là. C'est ce qu'on en rencontre. Voilà. Sinon, ta chronique, justement, parlons-en. Tu nous as dit politique fédérale provinciale. De quel genre de sujet est-ce que tu vas nous parler? Comment tu vas aborder ça? Je vais vous parler de tout et de rien parce que la politique, c'est pas seulement ce qui se passe en chambre. Hein, c'est aussi tout ce qui a trait à la politique. Donc, les mouvements sociaux, parfois, ça peut être la politique. Monsieur, madame, tout le monde peut faire aussi la politique. Donc, c'est vraiment dans cet angle-là que je vais aller parce que des fois, ce qui se passe en chambre, c'est plate puis pas à peu près. T'sais, pour regarder les débats à l'Assemblée nationale, des fois, c'est vraiment plate. Ouais, j'ai pas de vie comme ça. Mais ouais, ça va surtout être dans cet angle-là, comme aujourd'hui. Je vous ai parlé tout à l'heure, là, course à la chefferie du PQ, mais c'est pas de ça explicitement que je veux vous parler. Hier, c'était le dernier débat à la course à la chefferie, puis dans cette course-là, on en entend parler ou pas, c'est selon l'indépendance. Hein. C'est un sujet qui est tabou au Parti québécois, pour d'autres qu'il faut mettre de l'avant. C'est tabou, il y en a qui trouvent, t'sais, son tabou là, d'en entendre parler aussi. Oui, c'est ça. Faire un gag plate, j'imagine. Mais ouais. Ben c'est ça. Hier, encore une fois, c'était le dernier débat du Parti québécois, la course qui se termine vendredi prochain. Il en reste encore un petit, quoi, on disait, une semaine et trois quarts tantôt. C'est ça. Jusqu'au 7 octobre. Et voilà. Jusqu'à ta fête, Valérie. Jusqu'à mon anniversaire. Yay! Fait que dans le fond, je veux pas vous parler de la course, mais du sujet en tant que tel, l'indépendance. Vendredi, je sais pas si vous avez vu passer ça sur les médias sociaux. Les médias traditionnels en ont pas vraiment parlé. Ah. C'est un nouveau groupe à l'appui qui appuie l'indépendance. En fait, c'est les anglophones pour l'indépendance. Es-tu sérieux? C'est surprenant, On aurait l'impression que ce serait les premiers à être contre ça. Là. C'est vrai. Ben, hein? Exactement. C'est un seul Canada uni, fort et fier. Anglais. Pareil comme toi, Yaranda. Pareil, Mathieu, pareil. Name c'est proper. Le même combat. Un spécialiste des slogans ce matin. Sûrement, probablement, tout le temps. Tout le temps, je te l'avoue. Donc, oui, c'est les anglophones pour un Québec indépendant qui viennent détruire justement ce mythe-là. C'est Jennifer Drouin, c'est une prof en littérature qui lance ce groupe-là, qui veut expliquer aux anglophones en anglais quels sont les bénéfices d'un Québec indépendant. Parce que l'indépendance, c'est pas seulement la survie de la langue française, là, c'est aussi au niveau économique, au niveau environnemental. Et pour elle, c'est vraiment le sujet qui pourrait aller chercher les anglophones. On parle d'énergie Est, notamment ici. Ouais. Un sujet qui est important pour les francophones comme pour les anglophones, tout dépendamment. En fait, c'est important pour tout le monde, je pense. Là. Puis elle veut détruire ce mythe-là. 50 membres dans son groupe. OK. Quand même, déjà, 50 membres, elle commence, mais ça commence tranquillement. Il y a environ un peu plus d'un million d'anglophones au Québec. Puis on dit que dans les allophones, il y a 10% seulement qui vont voter oui pour l'indépendance. Donc, si ça veut détruire ce mythe-là et dire aux anglophones et aux allophones que, justement, ben, l'indépendance, ça peut être bon pour tout le monde. Donc, mais elle-même n'est pas anglophone, elle est francophone, elle essaie de convaincre les anglophones? Non, elle est anglophone. Elle est anglophone. Oui. Ça paraît juste pas dans son nom, mais ça, c'est normal. Oui, Jennifer Drain. C'est normal qu'on ne savait pas. C'est ça. Il fallait le demander. Oui, puis c'est un appui qui est pas habituel dans le mouvement indépendantiste. On parle sur... Mais c'est ça, c'est ce qui m'a comme surpris au début, mais je trouvais ça intéressant. On n'en parle pas. C'est dommage parce qu'on n'en parle pas. Puis par la bande, ben, est-ce que ça peut, quelque chose, ça peut être quelque chose qui peut aider dans la course au parti, dans la course à la chefferie au Parti québécois? Est-ce que ça peut aider d'autres mouvements indépendantistes de dire, ben écoute, les anglophones, justement, ils sont là. Il faut les inclure dans ce projet-là, c'est important. On les critique souvent dans le mouvement. Il y a beaucoup de critiques dans ce mouvement-là et ça, c'est dommage. Je trouvais ça important d'en parler ce matin. Je ne sais pas s'il y en a dans la région qui sont prêts à monter ça aussi. Je trouve que c'est cool. On n'a pas une région très, très anglophone, malheureusement. Non. Mais je dirais qu'il y a beaucoup d'étudiants ici, internationaux, qui sont quand même anglophones. Puis on les oublie quand même assez souvent, eux autres aussi. Et ça a dû augmenter aussi depuis les dernières années. J'entends tout le temps la statistique que Trois-Rivières, c'est 98% francophone, 2% anglophone. Mais ça, c'était là probablement très, très, très longtemps. Là. Tout le monde qui écoute des séries en anglais à Trois-Rivières, d'après moi, il y en a pas mal qui pourraient parler anglais ou pourraient comprendre l'anglais. Surtout pas anglophone, mais quand même. Il y a un quartier aussi quand même anglophone à Trois-Rivières. C'est à l'entrée quasiment du centre-ville. Je sais pas comment on peut appeler ça, ce quartier-là, là, en avant de Trois-Rivières, sur Saint-Laurent. Là, ce quartier-là, c'est quand même anglophone aussi. Donc, il y en a partout. Puis, il faut les inclure si vous voulez inclure ces gens-là dans votre projet de pays. Je pense que c'est important. Je voulais vous parler aussi du projet de loi 106. Connaissez-vous ce projet de loi-là? Ça vous dit-tu quelque chose? Je vais t'avouer que j'ai googlé la chose quand tu me l'as dit. c'est pas une autoroute ou quelque chose comme ça, on dirait plus. Bien, grosso modo, le projet de loi 106, c'est un projet de loi qui est pour, la transition énergétique, premièrement, mais aussi donne des droits à des compagnies pétrolières comme l'expropriation. OK. Et c'est ce qui soulève la colère chez les groupes environnementaux et chez les maires des différentes MRC, des différentes municipalités du Québec. Ils se sont rencontrés du côté de Drummondville en fin de semaine, 70 maires au total MRS de ville et de MRC pour parler de ce projet de loi-là, parce que ça les inquiète. Premièrement, bon, la transition énergétique, c'est pas ce qui les inquiète en soi, parce qu'on s'entend que c'est une bonne chose, surtout quand tu veux t'en aller vers des projets un peu plus verts. Mais c'est surtout au niveau de l'expropriation, parce que les compagnies pétrolières peuvent venir voir si t'as du pétrole chez vous, ils peuvent t'enlever de chez vous. C'est un peu le principe. OK, puis c'est comme ça sur dans les municipalités, les MRC, et les maires, les mairesses disent ça vient empiéter en même temps sur nos compétences municipales. Parce qu'au Québec, tu as les compétences fédérales, provinciales, municipales. Et il y a des maires qui sont contre ça parce qu'ils disent « Hey, on perd un peu de notre autonomie sur notre propre territoire. » Je suis allée justement au conseil de ville dans les dernières semaines ici à Trois-Rivières. Il y a les groupes environnementaux comme le comité vigilance hydrocarbures qui était là, qui parlait du projet de loi 106. Et c'était spécial d'entendre ça dans la salle, honnêtement, de voir la réaction du maire aussi, le maire de Trois-Rivières, qui n'arrêtait pas de répéter à ces gens-là, aller voir le gouvernement provincial puis fédéral pour parler du pipeline, pour parler du projet de loi. Nous, on n'a pas de pouvoir là-dedans. On est comme un petit grain qui n'a pas rapport dans le fin fond du sable, tu sais. Mais là, le maire de Trois-Rivières a décidé de s'allier d'une certaine façon, parce qu'il a quitté le regroupement des maires, mais il a décidé d'écrire une lettre au gouvernement québécois, justement, sur ça, pour dire « Hey là, tu nous en enlèves, là. On veut avoir une autonomie. » Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même eu un cheminement dans la tête du maire de Trois-Rivières et dans celle des autres municipalités, des MRC de la région, parce que lui, il faisait pas partie de ce regroupement-là, mais quand même vient en quelque sorte parler de ça au gouvernement. Il dit pas qu'il est contre le projet, il est pas pour non plus, mais il dit juste on veut notre autonomie, ce qu'on devrait avoir automatiquement. Mais en matière d'hydrocarbures, avec ça, ben c'est comme s'il n'y avait plus aucune compétence là-dessus. Donc, c'est vraiment un gros sujet. Le projet de loi 106, honnêtement, ça fait beaucoup de vagues là, ces temps-ci. Là, tout l'été, moi, j'en ai entendu parler à plein. Au conseil de ville, conseil municipal, ça en parle à toutes les fois, à chaque fois. Ça va en reparler le 3 octobre, si je me rappelle bien, aussi le prochain. Gros mois, le mois d'octobre, hein? Oui, hein? Gros mois, mois d'octobre, c'est toujours assez gros, hein? Oui, c'est ça. Septembre, on commence mollo, puis après ça, balabla. Fait qu'on parle de 131 municipalités du Québec qui demandent le rejet du projet de loi 106. Aussi, la cession des deux, que ce soit les hydrocarbures en matière des pétrolières, mais aussi la transition énergétique pour pouvoir voter des deux. OK. Fait que ça, c'est quelque chose justement pour pouvoir dire, gars, transition énergétique, et ouais, on peut aller avec ça. Mais de l'autre côté, ce serait important qu'on y pense un peu plus parce que ça donne des droits qui sont assez incroyables aux pétrolières. Disons qu'ils trouvent du pétrole chez vous. Ouais. T'as pas envie d'avoir du pétrole chez vous. Eh bien, t'es plus chez vous. C'est ce qui est, c'est un peu dommage. T'as pas ton mot à dire là-dessus. Mais du côté économique, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir nous aider économiquement? Ça, c'est surtout pour des compagnies privées. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que ça peut vraiment nous aider? Je suis pas économiste, je peux pas avoir la réponse là-dessus, parce qu'on parle de deux choses différentes. T'sais, on parle pas de l'extraction, exemple, des sables bitumineux en Alberta, qui ça pour avoir un impact économique pour l'Alberta, entre autres. Est-ce que nous, sur Anticosti, ça peut avoir quelque chose, par exemple? Peut-être que oui, peut-être que non. Probablement que oui, au niveau économique, s'il y a du pétrole, ça peut être bon. Mais est-ce que au niveau environnemental, quelles sont les répercussions? Est-ce que les compagnies pétrolières, s'il y a un déversement, quelque chose comme ça, vont payer? Et là, le questionnement est là. C'est ça qui est le plus jasé là, dans les mouvements environnementaux chez les gens qui s'impliquent là-dedans aussi. On dit que c'est inacceptable qu'on n'ait pas plus d'informations que ça, puis qu'il n'y ait pas plus d'engagement de la part des pétrolières. Ça jase, mettons. Oui, pas mal. C'est un gros projet de loi qui a été déposé au mois de juin. On en parle encore au mois de septembre-octobre. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc ça, c'est le projet 106. Faut pas oublier non plus le projet 106-9, qui est le projet pour limiter la longueur de barbe du Doc Mayou. Ben oui. Le projet 106-9. Tout à fait, Mathieu. Tu t'occupes-tu de la couper toi-même? Hey boy, hein? Moi, je trouve que ce serait parfait. Gros défi. Ça ferait la bonne radio, en tout cas. C'était pas mal ça dont je voulais vous parler ce matin. C'était intéressant de se poser la question, de regarder ce qui se passe là-dedans, parce que chaque personne va être touchée, hein, veut pas. Mmh. On parle qu'on est dans un air d'individualisme et tout ça. Bon, ben regardez ce projet-là. Parce que si t'es chez vous, t'es pas réellement chez vous si c'est déposé au final. Mais j'avais une idée, je voulais finir mes chroniques à toutes les fois avec une ou deux citations. Ah, ben oui, on soit de politiciens ou des gens qui touchent la politique. Qui fait réfléchir. Ben hier, on a souligné l'anniversaire de décès de Pierre Falardeau. Ça faisait 7 ans hier qu'il était décédé. Puis moi, je le trouve inspirant, cet homme-là. On peut être en désaccord avec ses idées, ses façons de parler, mais je le trouve inspirant. J'ai justement procrastiné hier sur mes travaux en regardant des entrevues. Ça fait tout ça. J'ai deux citations pour vous ce matin qui vont vous aider à partir de votre lundi du bon pied. On va toujours trop loin pour les gens qui vont nulle part. C'est vrai. Première et l'autre. Deux classiques. Si tu te couches, ils vont te piler dessus. Si tu restes debout et que tu résistes, ils vont te haïr, mais ils vont t'appeler monsieur. Il dit pas qu'est-ce que ça donne quand tu t'assois, par exemple. Non, c'est pas au papier. C'est pas au papier. Il va falloir que tu finisses ça. C'est ça, exactement. C'est ton travail. Faut que t'en trouves une assise, Mathieu. Faut trouver un nom de chronique qui a rapport avec une citation, quelque chose de connu, de quelqu'un de connu, ça pourrait être pas pire aussi, ça. J'adore ça. C'est une bonne idée. Mais oui, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, à l'extérieur des ondes, on disait tout à l'heure qu'on n'avait pas encore de nom de chronique. On cherche Valérie. Un titre, oui. Si vous avez des idées, là. Page Facebook d'Assemblage requis. Tu sais, Jean-François Veilleux, sa chronique, au pouvoir citoyen. Oui. Genre quelque chose comme ça, tu sais. Ça, c'est comme, au pouvoir citoyen. Ça veut dire quelque chose. Faut trouver quelque chose qui a du punch. Ça va être difficile pour ma petite tête ce matin. Ouais, on manque de caféine, là. Absolument. J'ai pas pris mon premier café encore. Moi non plus. Nous non plus. C'est difficile les lundis pour tout le monde. En radio ou pas. En radio, ils font semblant d'être de bonne humeur, mais ils sont tous aussi bof que nous. C'est normal, ils ont eu la fin de semaine avant. Oui. Ouais. Donc, Valérie Deschamps, on va te retrouver chaque semaine, tous les lundis à 7h30, là, directement sur le bord de l'émission, dès la première minute. On commence fort. C'est ça, on commence fort pour se donner une raison de se réveiller. Donc, 7h30, et la chronique repasse éventuellement à l'émission. Donc, si vous la manquez, elle va rejouer ailleurs, quelque part. Valérie Deschamps, chronique avec un nom à déterminer. Avec un... Et voilà. Valérie à déterminer, c'est ça. Oh, c'est bon, ça. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée, bonne semaine. Merci beaucoup. Mais, salut. Nous, on prend une petite pause musicale au retour. Ça va être C'est un fait pour les prochaines minutes. Après ça, plus tard, il y a aussi Tania Gugolin-Tchétchénia. Mais pour l'instant, une pièce. On a parlé du pipeline. Ben oui. Donc, je me suis dit, ça va en ligne droite, puis des fois croche. Fait que Cowpuncher avec Straight Line. Ah, son lèvre qui sur. 89 FM. walk in a straight line from here to forever. I don't care if you do or you don't. Puncher avec Straight Lane sur les ondes de Sifu 89 FM ce matin. Yeah, maintenant qu'on est réveillé, au retour, c'est un fait, restez là. Un sondage de qui? Toi aujourd'hui. Un sondage de qui? Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Un sondage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Un sondage de qui? Toujours à Assemblage Requis, ce lundi 26 septembre 2016, il est Tania Baudin. Et Mathieu Plon. Le mois de septembre qui est déjà presque terminé. Est-ce qu'on va finir la semaine encore dans le mois de septembre? Ouais. Et la semaine prochaine, ça va être le mois d'octobre. C'est sûr. J'aime ça quand les mois sont bien timés comme ça pour qu'on commence une semaine dans un mois. Mm-hmm. Qu'on n'était plus dans ce mois-là. Tu sais, qu'on n'était pas dans ce mois-là. Oui, oui. J'aime pas ça de changer de mois dans le milieu d'une semaine. C'est ça que ah non, pourquoi? J'aime pas ça, je trouve ça bizarre. Ça défait ta semaine? Ça défait tout. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Bref, nous voilà arrivés donc à un autre lundi. Et les lundis, c'est le moment qu'on prend pour vraiment bien apprendre. Pour se mettre dans le bain pour venir à l'université, faut qu'on apprenne un petit peu, voilà, à l'avance. Faut s'entraîner le cerveau. Donc voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Tu t'en allais chanter par-dessus en même temps que moi, ça aurait été cool, mais j'aurais aimé ça. Tu veux juste faire le refrain, toi. Je fais jamais ça. Puis là, ce matin, je sais pas pourquoi. L'envie t'a pris. C'est le manque de caféine. Ça va être ça. C'est comme quand tu prends de la caféine, l'envie te prend, mais c'est une autre sorte. Exactement. Donc, c'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. On a de la lourdeur, d'apprentissage. On a de la lenteur, même, je dirais, lundi matin. On est fatigué, toi et moi, un petit peu. Légèrement. Mais on va se réveiller en apprenant des choses et on va justement parler de sommeil pour commencer. Ah ouais. Ça tombe pas drôle. On s'en va-tu dormir? Non, on parle des yeux, les yeux un petit peu pochés quand t'es fatigué. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a les yeux pochés? Des cercles noirs, cercles foncés en dessous des yeux. Ça vous fait avoir l'air fatigué, mais il y a tout plein de raisons pour lesquelles on pourrait les avoir. Donc, c'est la science derrière les yeux pochés et comment essayer d'éviter de les avoir pochés. Mais t'es du concealer. Oui, j'avoue, mais est-ce que tu connais beaucoup de gars qui mettent du concealer? Ceux qui font de la télévision, à la télé. Oui. Voilà, c'est ce que je me disais. Les émissions matinales, là, ils ont tous du concealer. Oui. C'est ça, parce que sinon, ça paraît, tu sais. T'as beau être en forme, changer ton horaire de sommeil, le matin, si tu te lèves puis t'as passé dormir, tu vas quand même avoir dur, les yeux. C'est dur, ouais, exactement. Bref, c'est une vidéo de la chaîne YouTube SciShow qui nous explique que la raison principale pour laquelle votre peau est plus sombre autour des yeux, c'est que la peau est plus mince à cet endroit-là et il y a moins de gras pour cacher les petits vaisseaux sanguins qui tu retrouves. En plus de ça, la pigmentation naturelle de votre peau ou encore la mélanine, bien sûr, on s'entend, tout le monde. Pas la mélamine. On fait pas des armoires avec le dessous des yeux. Dans cette place-là des yeux, de la face, est aussi un facteur. Donc, la génétique joue un grand rôle. Il n'y a peut-être pas de façon de cacher ça entièrement, mais cela étant dit, on peut faire des choses qui peuvent empêcher d'en avoir autant. Donc, évidemment, si tu dors pas assez, si tu es toujours stressé, ton corps va produire plus de cortisol pour essayer de te garder en forme, alerte. Mm-hmm. Avec le temps, le cortisol peut restreindre les vaisseaux sanguins ou dans ce cas-là, les dilater et faire que ceux qui sont en dessous de tes yeux vont être plus gros. Les allergies peuvent aussi être une cause. Les réactions allergiques font que ton corps va sortir des histamines, ce qui va aussi dilater tes vaisseaux sanguins. Et aussi, la lumière du soleil peut endommager les cellules de la peau autour des yeux. et les tuer si tu ne protèges pas ton visage. Moins de cellules, peau veut dire une peau plus mince, ce qui veut dire des cercles foncés. Et plus tu vieillis aussi, tu as moins de gras en dessous de ta peau. Ça va amincir. Oui, c'est sûr. La meilleure chose qu'on peut faire pour combattre ces cercles, c'est de porter de l'écran solaire, de dormir correctement, de prendre les médicaments pour les allergies et d'éviter le stress autant que possible. Ça dit aussi les réactions. Ça dit aussi de vider tes sinus. La congestion nasale, ça peut aider. Avec les petits bains de nez là, en théière. Ce qu'on fait tous les jours! Ce que je fais pendant un bout, après ça, j'abandonne. Après ça, je recommence. Mais ça fait tellement effet. C'est tellement de bonnes choses pour vrai. C'est excellent aussi pour la décongestion parce que, évidemment, les tuyaux du nez sont reliés avec la gorge. Oui. C'est apparemment une des meilleures façons si vous avez des problèmes de gorge. Voilà, non, mais pour vrai, c'est une bonne chose à faire. C'est juste que, tu sais, il y a différentes façons de le faire. Il y a des façons plus faciles que d'autres. Il y en a que c'est en petite poire que tu te poires dans le nez. Ouais. D'autres, c'est en théière. D'autres, c'est en. Peu importe, il y en a des pots en céramique. Il y a plein de façons de faire. Mais il faut tout le temps que tu prépares ta petite solution, que tu fasses chauffer ton eau, que tu fasses. Ah, ça prend du temps. Ça prend du temps à faire attention à nous-mêmes. Les sprays, c'est plus facile, mettons. On va en Rome antique. On parle souvent de la Rome antique. Les gens devaient acheter des billets pour entrer dans le Colisée. Les billets avaient une section, une rangée et même un numéro de siège écrit dessus. C'était des sièges assignés exactement comme dans les stades aujourd'hui. On parle de la Rome antique, c'est un beau. Oh, ouais. La même chose qu'aujourd'hui, ça vient de là. Est-ce que tu connais Félix Battista? Non. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas certaine. Mais je penserais pas. C'est un expert sur le kidnapping. Ah, peut-être, non. Qui a été kidnappé, en fait, au Mexique. Il avait déjà négocié quelques centaines de kidnappings et des rançons, entre autres. Et après sa disparition, personne n'a pris le crédit pour ça. Et on ne l'a pas retrouvé depuis, M. Félix Battista. Introuvable. Pour vrai? Mais c'est un expert en kidnapping. J'imagine mais il s'est fait kidnapper. C'est ça, ben sûrement que les gens ont étudié, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, des livres ou quelque chose comme ça sur le kidnapping. Ils ont pris tous ses conseils. Ou c'est, il s'est peut-être auto-kidnappé. Peut-être, pour la rançon. Exactement. Ouais. Thomas Jefferson a construit une horloge sur le mur extérieur de sa maison avec seulement une aiguille pour les heures. Il croyait qu'une aiguille pour les heures était juste assez précise pour ses esclaves. Ah mon Dieu. Pas besoin des minutes. Mais non. T'es un esclave. Partira à je sais pas. T'as pas le temps de regarder les minutes passées. C'est ça. Un mathématicien autrichien, Kurt Gödel, avait une peur obsessive d'être empoisonné et il voulait seulement manger sa nourriture que si sa femme l'avait préparée pour lui. Lorsqu'elle a dû être hospitalisée pendant 6 mois en 1977, il a refusé de manger autre chose. Il est mort, il pesait 65 livres. Oh my God! Ça, c'est vraiment mortel comme... C'est se laisser mourir de faim, hein? Tu veux pas mourir d'être empoisonné, mais ça dérange pas de mourir de faim. Aïe, aïe. Un travailleur de la construction en Indiana, Jason Haney, a caché un gigantesque Où est Charlie, un gros carton de Où est Charlie. Il l'a caché dans le site de construction où il travaillait pour que les enfants d'un hôpital proche puissent le trouver. Une fois qu'il recevait un message disant qu'ils avaient trouvé le Charlie, ben il cachait le Charlie ailleurs pour qu'il puisse recommencer à le chercher. C'est dommage gentil. C'est mignon, hein? C'est un gros carton, en plus plus grand que M. Haney lui-même. Mais les enfants à l'hôpital de l'autre côté de la rue, on voit quand même le chantier de construction devant, pouvaient le chercher. C'est drôle comment en anglais Charlie s'appelle pas Charlie, hein? Waldo. Waldo. Waldo. Where's Waldo? C'est un beau nom quand même. Mais on s'entend que Where's Waldo, c'est plus une. C'est un plus beau titre. Ouais. Une allitération. Alors que Où est Charlie? Oui, je sais qu'en Grande-Bretagne, en Europe, on l'appelle Wally. Okay. Donc en français, si on l'avait appelé Où est Wally? Ça a été quand même ça un beau titre. Ça aurait été pas pire, ouais. Charlie, je le comprends pas. La compagnie Northern Paper Company a offert le premier papier de toilette sans écharde au début des années 30. C'est gentil. Tu sais, quand on dit qu'il n'y a pas eu d'évolution dans le papier de toilette. Ouais, hein? C'est ça. Ben, c'est faux, sachez-le. 1930, c'est pas mal le spot important, là. Avec les écharde, ça devait pas être ça. Non! Tu sais, en tout cas, 45% des couples à Hong Kong disent avoir abandonné l'idée d'avoir des enfants à cause des coûts des maisons qui sont très élevés et aussi de la population qui est très élevée. Dans un autre sondage, 38% des hommes et 31% des femmes ont dit qu'ils ne voulaient pas d'enfants. Tout simplement parce qu'ils n'aimaient pas les enfants. Peut-être aussi. J'imagine qu'il y a une combinaison de tout ça. Mais le prix des maisons pour plus de personnes aussi. Ensuite, lorsque Julius César est mort, est-ce que comme d'autres noms, il faut le traduire en français comme Julien César? C'est pas Jules César? Jules César, tu vois, c'est ça. Donc, Jules César, lorsqu'il est mort, il a laissé l'équivalent de 270$ par personne pour chaque citoyen de Rome. 270$ chacun. C'est gentil. C'est l'équivalent d'aujourd'hui, évidemment, à l'époque, c'était moins que ça. Ouais, mais quand même. Bluetooth. Oui. Tu connais la technologie Bluetooth qui a été nommée en l'honneur de Harald Bluetooth, le roi du Danemark il y a 1000 ans. Le logo de Bluetooth, en fait, est composé des initiales des ruines nordiques. Donc, on a une genre d'étoile, c'est comme une ligne droite avec un X dessus. Ce qui a mené, si on enlève la partie gauche et qu'on complète avec des lignes les côtés de l'étoile, ça fait un B. Et après ça, si on laisse continuer les lignes de l'autre côté, ça fait un B avec des petites pattes, des petites ailes, on dirait des papillons. C'est vrai. Donc, c'est le logo de Bluetooth. C'est un peu visuel pour la radio, mais allez voir sur assemblagerequis.com, il y a un lien. J'avais aucune idée qu'il y avait un homme qui s'appelait Bluetooth. D'emblée. Un système de registre dans l'Angleterre post-guerre permettait aux clowns de copyrighter, de mettre un droit d'auteur sur leur maquillage, non, sur leur design de visage, contre les imitations. Et pour le faire, ils devaient peindre leur maquillage sur des œufs. Pour vrai? Eh ben. C'est drôle. En 2012, on estime que 2,8 millions de propriétaires de chiens ont donné à leurs chiens des antidépresseurs. Hein? En 2012 seulement. 2,8 millions de propriétaires de chiens. Ben voyons donc. Je te jure. Je sais pas s'ils trouvent leur chien amorphe. Mais, drôle d'idée. Pense c'est bizarre que... donner des antidépresseurs à des chiens. Ben, je pense... En tout cas, il me semble que ça se fait, mais... Sors dehors, va jouer avec, tu vas voir, ouais, t'es content. Commence par un vétérinaire, au moins. À la place de juste leur donner des pilules, je sais pas. Il y a du jugement, là. Au Danemark, si t'es pas marié à l'âge de 25 ans, tu vas te faire lancer de la cannelle à ton anniversaire. What? Pas des bâtons, j'imagine de la poudre de cannelle. C'est pourquoi? C'est donc bien méchant. Ouais, c'est ça. C'est sur le Telegraph qu'on nous apprend ça. Il reste plus grand temps pour aller au Danemark. C'est ça, je vais voir l'article, voir s'il n'y a pas quelques détails faciles à vous dire. Si vous êtes célibataire au Danemark, il faut vous préparer pour une attaque d'épices. Voilà. Les épices commencent à te rentrer dans le nez quand tu fais lancer ça. Ben, quand il n'y a pas... Ça dit pas grand-chose dans le début de l'article, il a l'air tellement long. Mais apparemment que c'est que quand tu mentionnes ça à un ami danois, il te regarde comme si t'es un idiot en disant c'est clair, là, c'est une tradition qu'on a depuis toujours. Il dit tu fais pas ça dans ton pays, toi? Non. Eh bien. Oh, ouais. Eh bien, donc l'article, allez le lire sur assemblagerequis.com. Ensuite, l'être humain le plus isolé au monde, c'était Al Worden. C'est un pilote du module de commande d'Apollo 15 en orbite lunaire. Il était à une distance maximale de 2,235 milles de ses collègues astronautes à la surface. Alors qu'il était de l'autre côté de la Lune, il n'y avait aucune communication avec la Terre ou avec ses camarades qui était possible. 2235 milles en kilomètres, ça donne 3596. Une petite distance. Quand même une pas pire distance. Donc, c'était Al Worden. Un homme qui faisait une sieste en dessous d'un arbre et que son crâne a été, écrapoute par, tu sais, les cocottes d'arbre, mais une cocotte de 16 livres. Hé, OK, c'est pas... c'est de la grosse cocotte. Grosse cocotte. Donc, il a poursuivi l'agence gouvernementale, différentes agences gouvernementales pour 5 millions de dollars à cause du manque de pancartes pour avertir qu'il y avait des gros... Chute de cocon. Cocon, même. Cocon, tout ça? J'ai dit un cocon, oui. C'est pas un cocon, c'est comment une cocotte? Une cocotte? Une cocotte, ouais, mais je suis sûr que le nom scientifique, c'est pas une cocotte. Sûrement pas, non. Ensuite, le lancement soviétique de Sputnik, le premier satellite artificiel, était tellement un événement choquant qu'au moins un gérant de cinéma a arrêté le film en cours de route pour l'annoncer. Oh. Le film était Earth vs. the Flying Saucers, donc la Terre contre les soucoupes volantes. Et dans le public... Là, déjà que ça, c'est impressionnant que ce soit ce film-là qui a été interrompu. Mais en plus, dans le public, il y avait un jeune Stephen King. Ah ouais, rien de moins. L'auteur. Mais oui. Ben oui, Stephen King. C'est clair que c'est à cause de ça qu'il a commencé à faire tout ça. Ben, peut-être. Pendant l'expédition de Lewis et Clark, ils ont amené donc, ce qu'on appelait des Thunderclappers. C'était des laxatifs très, très puissants, faits à 60% de mercure. Étant donné la puissance de ces laxatifs et la longévité du mercure, les scientifiques peuvent retracer la route de l'expédition de Lewis et Clark en suivant les dépôts. Non! Ouais. Ça dure longtemps, le mercure. C'est dégueulasse. Ouais, absolument. Ensuite, une étude de la FDA aux États-Unis, la FDA, c'est la Food and Drugs Administration, nous apprend que 90% ou plus de 100 médicaments qui soient en prescription ou encore qu'il faut demander au comptoir du pharmacien pour en avoir étaient parfaitement bons et encore utilisables après 15 ans. Après leur date limite de péremption. Oh, ouais. Donc, la date de péremption, 15 ans après, il est encore bon. Donc, l'armée militaire américaine a économisé 260 millions de dollars en 5 ans en ne jetant pas les pilules qui étaient expirées, entre guillemets, parce qu'on peut aller très, très loin après la date d'expiration. Mais pourquoi d'abord il y a une date d'expiration? C'est ce qu'on se demande. On a des questions comme ça. Pour en vendre plus? Peut-être, j'imagine. Ça dit dans l'article de Star.com que les dates d'expiration sur certains médicaments ne veulent rien dire. Là, évidemment, il ne faut pas comprendre là-dedans que tous les médicaments peuvent être pris 15 ans après. Il faut faire attention à ce qu'on dit ici. Mais ça dit entre autres que les pilules pour les maux de tête et pour les rhumes, grippe et les antidouleurs, oui, peuvent être utilisées bien après leur date de péremption. Entre autres, Bayer Aspirin, qui était ciblé par cette poursuite-là. Ça dit que les trois grandes multinationales de médicaments font des milliards de dollars en disant aux consommateurs de jeter leur pilule après une date d'expiration, selon cette poursuite-là. Une poursuite qui cible Bayer Healthcare pour Bayer Aspirin, Pfizer pour Advil et Johnson & Johnson pour, et McNeil PPC pour Tylenol grippe multisymptôme. Oh, ouais. Ça dit que si ces médicaments sont correctement entreposés, les médicaments peuvent rester chimiquement stables, efficace et sécuritaire bien après les dates. Donc allez voir le reste de l'article pour plus de détails, c'est sur assemblagerequis.com. Je prendrai pas le temps de le lire au complet en nombre, mais ça reste intéressant. Ensuite, un propriétaire de magasin d'outils a payé 100$ pour une unité, tu sais, les unités genre de storage là, que tu mets dedans, comment t'appelles ça, des petites cages casiers, des casiers, voilà, pour découvrir finalement qu'il y avait un accessoire du Lotus Esprit. Donc ça, c'est un sous-marin dans The Spy Who Loved Me, le film de James Bond. Donc, il a trouvé un accessoire qui était le sous-marin Lotus Esprit. Il l'a vendu à Elon Musk de Tesla pour 825 000$. Il avait payé 100$ pour l'unité. Tu sais, des fois, là, ces émissions-là à TV... Oui. C'est ça que ça donne. Et pour terminer, on a déjà parlé à l'émission dans cette chronique-ci, c'est un fait, de musique qui avait été composée à l'aide de chats. Oui! Mais on n'a jamais parlé, à ce que je me souviens, de musique qui a été créée spécifiquement pour les chats. Avec des fréquences et des... Est-ce qu'on a déjà parlé? Je pense qu'on avait écouté un extrait. Je suis pas certaine. Donc, c'est de la musique spécifiquement faite pour les chats, avec des fréquences et des tempos utilisés dans la communication naturelle des chats. Donc, les chercheurs ont parlé au musicien David T. Pour composer des chansons dans ces paramètres bien spécifiques. Ça a donné des pièces nommées Cosmos Air, Spooks Diddy et Rusty's Ballad. Il a testé 47 chats domestiques différents. Le chercheur a joué donc des chansons qui ciblaient les chats et a comparé les réactions félines à deux chansons humaines, donc Air on a G-String de Bach et Elegy de Gabriel Fauré. Après les tests, les chercheurs ont découvert que les chats montraient une préférence significative et un intérêt pour cette musique créée seulement pour les chats comparée à la musique pour humains, à laquelle ils ne répondaient pas du tout. L'étude nous apprend que les chats, que la musique pour chats, oui, évoquait de meilleures réactions de la part de plus jeunes chats et de plus vieux chats comparés à des chats d'âge moyen. Donc, qu'on ait écouté ou pas ces extraits-là dans le temps, si on a déjà parlé de ce fait-là, écoutons quand même le chat Samantha qui écoute Cosmos Air par David T. La chanson, la vidéo, pardon, est capturée dans le noir et on voit les yeux du chat changer du jaune au rouge. C'est pas à cause de la musique, c'est à cause de la lumière de l'appareil vidéo. Et là, tu vois le chat qui se patauge un petit peu partout sur son tapis, descend en bas, se pète la gueule. Mais ouais. Se cache derrière son petit meuble pour chat. Je crois que les ronronnements sont dans la chanson. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Il se met à courir un petit peu partout, à pas trop savoir où s'en aller. Ça a l'air d'être le comportement de ce chat-là. Si on écoute un autre chat, on a le chat Rain qui savoure la pièce Spooks Diddy. Avec des bruits d'oiseaux. Donc le chat est un petit chat roux qui a l'air un petit peu tannant. OK. Qui se fait aller la tête. Qui regarde l'ordinateur, regarde derrière lui. D'où vient ce son? Le son vient des haut-parleurs du portable, bien sûr. À un moment donné, il met sa main sur le clavier. Il a les yeux grands ouverts. Il fait aller sa patte un petit peu sur l'ordi. Il est pas sûr. Voyons, pourquoi ça vient C'est pas les meilleurs tunes au monde, hein, sérieusement. C'est pas fait pour les humains. Là, sûrement que les chats, dans les appartements de nos auditeurs, sont en train de virer fou. Tu sais, tu fais-tu écouter de la musique à ton chat sans l'écouter, toi? Ben, c'est maintenant que tu t'en vas au travail. Tu laisses ça. Listes. Ben oui. Hey, tes voisins vont t'aimer rare. Ouais, j'avoue. Et le chat va finalement capoter après 3 heures sûr. De ça. C'est sûr. Mais avec un timer, peut-être. Hey, si on arrête de parler et qu'on met vraiment fort puis que les chats des auditeurs vont entendre. J'espère que tu feras pas ça, Mathieu Plante. Ça sonnait comme un défi. On dirait que j'ai le cerveau en compote à cause de ta musique de okay. Chat. On va l'essayer une autre. Music for Cats, encore une fois, avec un chat nommé Pharaoh. Pharaoh. Hey, c'est un, ça dit que le premier Pharaoh est un chat sourd. Ah, ouais. Deaf Vocal Loner Muscle Cat. Mais il entend quand même les vibrations, sûrement. Lily, qui est une princesse, une chasseuse qui vient lorsqu'on l'appelle, elle est aussi perturbée par la musique de chat. Bref, on va arrêter là, on a compris le principe. Mais moi, ça m'intéresse, ce genre de choses-là. Annabelle. OK, belle Annabelle. T'es chat noir. Donc, allez voir, il y a une playlist sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission 995. Ça s'appelle David T. Music for Cats. Voilà. On prend une petite pause. Est-ce qu'on est rendu là? Non, on n'est pas rendu à la pause pour tout. Il reste encore en masse de temps. Ben oui. Pas rendu à la pause pour tout. C'est juste parce que t'as fini ton premier segment. C'est ça, c'est parce qu'on l'a pris à l'avance. Puis d'habitude, on est en retard. Surtout, on est à l'avance. C'est vrai. Non, mais ça veut pas dire qu'on est partant pour écouter de la musique de chat. Non, c'est ça. Ça veut quand même dire qu'on va entendre une autre pièce, mais d'un autre groupe de musique qui est peut-être plus approprié pour les humains. Tant qu'à aller écouter des animaux, comme un chat, ouais. On va l'entendre un crabe. Oh! Ah, voici déjà bientôt la lumière à Assemblage Requis. Déjà bientôt la lumière, crabe. Oh my god, ça réveille en tout cas. Hein? Oui, mais c'est pas trop intense non plus. Ça fait juste mettre dedans. Ça fait changement de la musique pour chat. Là. Un petit peu, à peine. Justement, parlant de musique pour chat, on n'y retournera pas, là, mais on y va avec une deuxième section de C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique. Nature et les chats. Quoi? Et les bruits de chats. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien entendu. Fervent amateur des brutes. Je sais pas de quoi tu parles. C'est un fait, donc, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables qui continue à l'instant avec les Q-Scores. Est-ce que tu sais ce que c'est, les Q-Scores? C'est pas un restaurant de languette de poulet. Ah non? Non. Donc, Hollywood... Non, je ne pourrais te dire. Alors, non. Donc, Hollywood utilise une mesure qu'on appelle les Q-Scores pour déterminer si une personne est aimée par les gens. Donc, son, sa likability, son aimabilité, si on veut. Donc, la plus haute cote de vedette... Là, tu regardes l'article, tu l'as sûrement vu, mais selon toi, là, mettons... Oui. Je peux pas te demander ça, t'as vraiment vu la photo. Non, vas-y. Qui aurait une bonne cote d'aimabilité? Leonardo DiCaprio. Ah, peut-être. Tom Hanks a la meilleure cote. Et Morgan Freeman. Morgan Freeman, ça me surprend pas. Absolument pas. Ils ont une égalité à 48 points. Okay? Alors que Kim Kardashian a le plus faible Q-score. Elle est à moins 71. Oh, c'est comme au golf. C'est ça, le handicap fessier dans son cas. Oh, c'est méchant. La Caroline du Nord, maintenant. Mais comment ils déterminent ça? Ah, ben là... Les détails. Ah, hein? Oh, c'est ça. Ça fait pas partie de l'article. Cette chronique-là, c'est de la surface, Tania. Je fais 40 faits, je vais pas faire mes recherches. C'est bon. C'est à vous. Donc, la Caroline du Nord... je m'en cache pas, je fais aucune recherche dans cette chronique-là. La Caroline du Nord ne force pas, en fait, de prendre des pauses de repos. OK. C'est pas obligatoire. Il n'y a pas non plus de pause repas pour les employés qui ont 16 ans ou plus. Hein? Donc, les compagnies peuvent forcer les employés à travailler 8 heures de suite sans aucune pause et ce n'est pas illégal. Ça se passe en Caroline du Nord. C'est pas de l'abus? C'est de l'abus. C'est les lois du travail. C'est même sur le site nclabor.com. C'est le site officiel du travail, des lois du travail en Caroline du Nord. Et ça le dit. C'est pas un peu de l'exploitation? Ouais. C'est bizarre. Et la page est super longue, pleine de détails. Ouais, il doit y avoir des exceptions, mettons. Les jeunes en bas de 16 ans doivent recevoir une pause de 30 minutes après 5 heures et pas de pause qui dure moins de 30 minutes. Pour interrompre leur journée de travail. Il n'y a pas de pause ou de pause repas pour les employés qui ont 16 ans ou plus. C'est bien écrit, c'est sur le site directement, le NC Department of Labor. Voilà. Hmm. Avec en plus, hey, regarde-moi ça, la dame qui est la commissaire du travail, Commissioner of Labor, s'appelle Cherry Berry. Hey. Comme dans Cerise Bay. Rien de moins. Cerise Bay, c'est bien. La loterie. Ah, tiens, tu te rappelles, on a appris avec toi récemment, cet été, je crois, que le Zimbabwe, c'est vraiment un pays. Oui. Le pays où Tania t'es pas sûr. Oui, exactement. Donc, la loterie de la Zimbabwe Banking Corporation a été gagnée en 2000 par un certain Robert Mugabe, qui est le président du Zimbabwe. Oh! Ça a l'air très legit. C'est super legit. Ouais. Maintenant, le motel, la chambre de motel la plus silencieuse, la plus vieille, la plus sombre et la plus profonde. Tout ça ensemble. Okay. Profonde, sombre, vieille et silencieuse est à 220 pieds de distance en dessous du sol au Grand Canyon Caverns dans une cave qui date d'il y a 65 millions d'années. Mais tu peux-tu vraiment aller coucher là ou c'est comme une exposition? C'est un motel. What? Avec lit, divan, bibliothèque, télé, lampe, tout est là. C'est super joli en plus pour vrai. Ouais, c'est vraiment beau. Je sais pas si l'air est très frais là-dedans. Je sais pas, hein. Ça doit être humide un peu. Un petit peu humide. Ça, c'est quand même bizarre. Ça va être un petit peu visuel. Vous pouvez pas le voir. Il y a une photo sur assemblagerequis.com. Mais si on prend de la vitre fondue. Oui. Et qu'on met cette vitre fondue-là dans de l'eau froide, ça va produire une forme qui ressemble un petit peu à ce qu'on s'imagine d'un spermatozoïde. Quelque chose comme ça. Une petite bestiole comme ça. Sa tête. À ce spermatozoïde-là, peut supporter des coups de marteau. Tu peux frapper des coups de marteau sur la tête et ça fait rien. Par contre, si tu endommages la queue de ce, entre guillemets, spermatozoïde-là, ça explose. Pour vrai? Ah, c'est quand même... C'est de la vitre fondue, molten glass, c'est bien ça, de la vitre fondue dans de l'eau froide qui produit cette forme-là. C'est quand même assez particulier. Il y a un petit gif animé sur assemblagerequis.com. Vous allez voir la vitre exploser si vous faites que toucher à la queue. Et on le voit aussi frapper des coups de marteau sur la vidéo. Voilà. Hmm. Intéressant, hein? Mm-hmm. Ensuite, Albert Einstein. On est du genre à aimer Albert Einstein, le grand scientifique, le grand connaisseur, le grand penseur. Mais savais-tu qu'il avait trompé sa femme? Oh! En fait, non seulement il a trompé sa femme, ce que bien des gens ont fait, mais aussi il minimisait un petit peu ce qu'elle apportait au monde scientifique, donc ce qu'elle réussissait à accomplir dans le monde scientifique, il minimisait ça en disant ah, c'est pas si important que ça. Ouais. Il refusait aussi d'aider dans la maison. Il lui a même fait signer un contrat qui disait qu'il allait quitter la pièce ou arrêter de parler si Albert Einstein lui demandait. Oh my God! OK, c'était pas sa femme, là, c'était genre sa bonne. C'est ça. C'est Albert Einstein, donc il n'y a pas juste du positif. Non, il n'y a pas personne qui a dit que c'était une bonne personne. Et voilà. On a dit c'est un bon scientifique. Ouais. Katy Perry, tu connais? Ouais. Ses parents. Oui. Ça, vraiment, on s'en fout complètement, mais ses parents lui permettaient pas de manger des Lucky Charms quand elle était enfant parce que le mot luck chance était considéré comme quelque chose de satanique. Vous êtes content ouais, de savoir ça? Ouais, c'est des très, très, très, très grands... Religieux. Croyants. Voilà. Maintenant. Vous êtes vraiment très heureux de savoir ça. C'est fou, ça vient de faire ma journée. En 1828, un garçon de 16 ans est mystérieusement apparu en Allemagne, disant avoir été élevé pendant toute sa vie dans une cellule sombre. OK. 5 ans plus tard, il a été tué. Hein? De façon tout à fait mystérieuse aussi, et son identité reste inconnue de nos jours. What the fuck? Son identité en tant que telle, on lui a donné un nom qui est Caspar Hauser. Okay. Né le 30 avril 1812, mort le 17 décembre 1833, un jeune Allemand qui disait avoir grandi, comme je disais, en isolation totale, dans une cellule sombre. Hauser disait, tout ce que Hauser disait, oui, et sa mort subséquente par un poignard ont amené un débat et une controverse, mais on ne sait toujours pas si c'est vrai ou d'où est-ce qu'il est. C'est triste. Ouais. En 2015, le Japon a retiré une loi. En fait, c'était on avait banni ça il y a 67 ans. De 67 ans avant 2015, on avait banni le fait de danser après minuit. Oh, ouais? On a enlevé cette loi-là, selon CNN. Une loi sur la danse après minuit. En 2015. Ça devait pas être bon pour les mauvais esprits. C'est pas. Ça. Celui-là m'intrigue assez pour aller voir l'article sur CNN. Il y avait une pancarte qui disait « Please don't dance ». Donc, un petit groupe de performeurs de rue ont commencé à danser un spectacle de hip-hop près de Shibuya Crossing, une des intersections les plus occupées du monde. Une foule s'est rassemblée, plusieurs ont commencé à taper de leur taille, à brasser leurs hanches et à faire aller leurs bras. Ce genre de danse dans les rues est permise maintenant à Shibuya, mais à quelques endroits, à quelques rues de là, à quelques minutes de là, y a ce genre de danse vous aurait fait envoyer en prison. Pourquoi? C'est que ça arrivait dans un club. C'est l'affaire, c'est peut-être ça. Donc ça parle du fait que peut-être que c'était plus les clubs où t'avais pas le droit de danser. Les clubs étaient pas ouverts après minuit. Après minuit? C'est ça, oui, après minuit. Ensuite, les villageois dans un village indien nommé Marotichal ont commencé à jouer aux échecs. C'était une alternative à la boisson parce que la boisson avait été bannie. On avait banni l'alcool. Le village est maintenant connu sous le nom de Chess Village, étant donné que presque 100% des gens savent jouer aux échecs dans ce village indien. Ah, oh, ouais. Les Français adorent le film Ratatouille. C'est un film d'animation avec les animaux, là, puis les chefs cuisiniers. Oui. Bref, ils aiment bien le film Ratatouille parce que ça recrée l'environnement d'une vraie cuisine de restaurant. Un chef a dit, lorsque Colette enseigne aux jeunes apprentis cuisiniers comment couper des oignons, comment se fait cuire des légumes dans une poêle et comment se assaisonne le tout, c'est exactement comme ça qu'on fait ça dans les restaurants français. Donc, regardez le film Ratatouille et dites-vous que c'est véritable. C'est tellement la vérité qu'un chef nommé Thomas Keller, un chef qui a reçu une étoile Michelin, a participé à la... pas au tournage, mais à la création des scénarios, j'imagine, et du film, pour s'assurer de la véracité de tout ça. Donc, Keller était consultant pour le film animé de Pixar de 2007, Ratatouille, permettant au producteur d'être stagiaire dans le French Laundry Kitchen. Et ils ont aussi même fait le design d'une version fancy de la Ratatouille, le Confit Bialdi, pour que le personnage puisse le faire dans le film. Dans la version américaine, il fait un caméo. Il joue un des clients du restaurant, un rôle qui est joué par un des mentors de Keller, Guy Savoie, dans la version française du film, et par Ferran Adria, dans la version espagnole. Et ben. Continuons avec Giorgio A. Tsoukalos. Tu te rappelles le meme? T'as sûrement vu passer ça sur Internet du gars avec les mains devant lui en train d'expliquer quelque chose et ses cheveux sont tous ébouriffés. Oui, hein. Ben oui. Bon, on parle souvent de trucs d'extraterrestres avec lui sur Internet. Donc, il s'appelle Giorgio A. Tsoukalos, ce célèbre meme et expert en extraterrestres antiques. En fait, il n'a aucune connaissance académique, aucun diplôme, tout ça, rien qui a rapport avec l'émission. À la place, il a un baccalauréat, en information sportive. OK. Et précédemment, c'était il faisait la promotion de bodybuilders. Ah! C'est ça, ses connaissances, Giorgio A. Tsoukalos. Maintenant, Reinhold Messner, qui a grimpé le mont Everest sans aucun oxygène. Ben voyons. Il a grimpé Nanga Parbat à 8126 mètres trois fois. La première fois, il a perdu son frère et sept orteils. Ben non, voyons. En grimpant. Ensuite, il a regrimpé pour devenir la première personne à le faire en solo. Et il a grimpé une troisième fois pour aller chercher les restes de son frère. Hi, OK. Il s'appelle Reinhold Messner. Hey, sept orteils. Ouais. Il t'en reste juste trois. Ben, si t'en as eu dix au départ, ouais, ça pourrait arriver que non. Mais... C'est pas dangereux. Tu sais, comment il fait pour marcher maintenant? T'as pas beaucoup d'équilibre. C'est sûr, hein? Je sais pas. C'est clair, s'il a perdu les deux petits orteils, là, son équilibre doit être... C'est vrai, les petits orteils sont très importants. Je me demande s'il n'y a pas des vidéos YouTube en train de marcher. Je sais que c'est quelque chose qui t'intrigue, donc j'irai chercher ça. Ouais, je vais probablement faire ça. Ouais. Ensuite, hein? En fait, je pense qu'on avait terminé. Non, il en restait deux. Donc, tu connais Nickelodeon, ils ont de la slime. C'est comme une espèce de glu verte. Ben, pas une glu, mais c'est comme un genre de liquide vert qu'ils font tomber sur les gens lors de leur Kids' Choice Awards. Tu peux même l'acheter en petite fiole dans les magasins pour enfants. Oui, oui, oui. C'est vrai, j'en ai dans mon bureau. Donc, la slime de Nickelodeon est faite en fait de pudding à la vanille, de sauce aux pommes, de gruau et de teinture verte alimentaire de couleurs colorants alimentaires. Pas vrai? Là, on parle évidemment de la version qui est droppée sur du monde dans les galas, pas la version que t'achètes en contenant. Donc, on répète, pudding à la vanille, sauce aux pommes, gruau et du colorant alimentaire vert. Ça a vraiment pas la bombe, en plus. Non, non, non. Mais je viens de comprendre pourquoi, d'abord, à Nickelodeon, des fois, il y en a qui le mangent. Ils mangent, ils peuvent. C'est ça, peut-être qu'on leur dit à l'avance, c'est comestible. Ça. C'est du pudding! C'est ça. Ça se lave probablement mieux que ce qu'on pensait que c'était aussi. Aussi, probablement. Et finalement, tiens, le mot radar. Oui? Le mot radar. L'inventeur, en fait, l'invention du radar, c'est Sir Robert Watson Watt. OK. Pour ce redondant, là, Watson Watt, mais bon. L'inventeur du radar s'est fait prendre en train de faire de la vitesse avec un fusil radar. Et il aurait dit, je cite, « Mon Dieu, si j'avais su ce qu'ils allaient faire avec, je l'aurais jamais inventé. » Non! C'est comme ceux qui inventent des bombes puis des trucs comme ça, ouais, qui disent « avoir su. » Voilà, c'est tout pour C'est un fait. On a fait deux segments aujourd'hui de 20 liens chaque environ. Donc, allez voir ça sur assemblagerequis.com. C'est dans l'émission numéro 995. Il nous reste, tiens, encore une heure ensemble. Oui. Au retour de la pause, ça va être Tania Esgalin-Chetania. Fait que si j'étais vous, je resterais là. Oui, oui, oui, ça pourrait être intéressant. Vous n'allez pas le regretter, c'est clair. C'était Assemblage requis, on se lundi 26 septembre 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plon. Oui. Dans quelques instants, ça va être ta chronique à toi, Tania Esgalin-Chetania. Et d'ici la fin de l'émission, comme on va avoir du temps, on a une petite demi-heure de plus, je sais pas, que ça nous, on s'est libéré du temps. On a gratté les fonds de tiroir pour se trouver du temps de plus. Donc, on va pouvoir faire les instructions d'assemblage. Mais avant ça, une nouvelle chanson de la bronze sur le palmarès francophone. Oui, c'est Roi de nous. Roi de nous. Roi de nous. Assemblage requis. Les bourgeons crament sur nous. Mon dragon, fume-moi trop. En statue que nous sommes. Se fait harakiri. On reste encore juste un peu. J'ai mes tripes à t'offrir, ma beauté à te léguer, j'ai mes cheveux à t'en foutre plein la face, mes utopies à te verser dessus, ma peau des prochains jours à te faire sentir. Faisons de nous une limpide constance qui fluctue dans le spectre du beau. Donne-moi ton corps, je pleurerai dessus en riant. Le nouvel extrait de La Bronze, roi de nous à Assemblage Rocky. Elle a dit elle est elle-même la reine, mais ici, assez fou, on a notre propre reine aussi. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est Tania Beaudin. Oh my God! And she's gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya. Salut Tania. Hey, bonjour, bonjour, bonjour. Un autre lundi, donc une autre fois qu'on chante la chanson au complet. Oui, hein? C'est vrai, ben oui. On va se calmer, là, juste le lundi. T'as tout à fait raison. Encore une fois, c'est une autre chronique quotidienne de Tania is gonna entertain ya, où on parle de sujets très, très diversifiés qui sont inspirés de ta vie de tous les jours. Oui. Et de quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui? Bien, je suis allée faire un petit tour au Salon des vins vendredi dernier qui était présenté pour les Patriotes de l'UQTR. Mm-hmm. Et je me suis ramassée quand même à travailler là-bas. Mais faire du comment on appelle ça, du PR? Non, de l'animation. Ah, OK. Ah. Oui, oui, tout à fait. Bien, c'est comme c'est organisé par les gens des Patriotes et que j'anime déjà plusieurs des matchs de soccer. Ouais. Bien, on m'a agrippé puis on m'a demandé d'animer pendant un certain moment. Donc, c'est ce que j'ai fait de ma soirée. Mais j'ai aussi eu la chance de, bien évidemment, déguster quelques vins qui étaient là. Et c'est un petit peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais faire un petit retour sur les vins que j'ai moi-même dégustés. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a les mêmes goûts en passant. Mais ça, toi et moi, tu veux dire? Ben, nous le public, et tous les auditeurs, voilà. Mais sachez que vous pouvez très bien faire votre propre recherche par rapport au vin que vous voulez goûter. Hein. C'est pas nécessairement... c'est pas une obligation de goûter celui que je vais vous nommer. Voilà. Merci de nous dire. Donc, j'ai eu quand même l'occasion d'en boire quelques-uns, d'en déguster quelques-uns. Et je voulais tout simplement vous faire quelques revues avec vous, mais aussi discuter de comment... déguster des vins, parce que c'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde connaît. C'est pas naturel, on n'a pas ça, c'est pas inné. Là. Exactement, puis en discutant avec certaines personnes là-bas, ben je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des bases à suivre. Et que tu faisais pas comme faux. Ben pas que je faisais pas comme faux, mais je pense que c'est quand même... OK, je veux pas dire important, mais okay. Je pense qu'à un certain point, dans notre vie, si on aime quelque chose, on va vouloir savoir comment bien le faire. Oui. Donc, si vous aimez, par exemple, le vin, mais sachez que vous pouvez encore plus connaître d'informations par rapport à ça. Et la base, c'est la base de la dégustation. Donc, moi, mettons, en fin de semaine, puis là, ça, c'est un fait vécu. Là, oui. Mettons que vendredi était une journée difficile. Je suis allé me chercher du vin au dépanneur qui s'appelait Notre Vin Maison, qui est un mélange de plein de restants de vin. Okay? Oui, oui, oui. Et là, je suis arrivé chez moi. J'avais pas encore sorti mes coupes de ma boîte de déménagement depuis le mois de juin. C'est vrai? Fait que j'ai bu ça dans un verre de 500 ml. Mettons, c'est pas la façon de boire du vin, c'est ça que tu es en train de me dire? Ben non, c'est pas exactement ce que c'est je suis en train de dire. C'est pas comme ça qu'on fait? Hein? Non, c'est aucunement ce que je suis en train de dire. Okay. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si t'as le goût de vraiment bien savoir comment déguster ton vin, tu sais, un vendredi, là, normal, où tout le monde est tanné de sa semaine, là, on a tous très bien le droit de faire comme t'as fait. Et je peux laisser après ça sur la table du salon pendant genre 4 jours, ça dure combien de temps? Du vin? Écoute... 3 à 4 jours, hein? Je suis zéro là pour juger personne, OK? Pensez pas que je vous juge. Mais si vous êtes du genre à vouloir bien savoir comment bien faire les choses, bien, pour ce qui est du vin, ça commence par la dégustation, voilà. Donc, je vais vous donner quelques petits trucs, là. Des hints, comme on appelle. Des hints, voilà. Donc, je tiens à dire, par exemple, que la soirée des vins semble avoir très bien été. Oui. L'année dernière, j'y avais été un petit peu plus tôt en soirée. Ça débutait vers 16h30 et cette année, je suis arrivée vers les 19h à peu près. Et l'année dernière, vers 8h30, 9h, il restait plus grand monde au Salon des vins. Mais cette année, c'était encore très, très plein. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait plus de jeunes que l'année dernière. Ah. Ce que j'ai trouvé quand même assez intéressant à voir, c'est peut-être parce que les gens ont justement... les jeunes ont maintenant peut-être une approche envers le vin qui est différente des années d'avant, mais il y avait aussi le fameux salon Jack Daniel's pour les pour une expérience peut-être plus festive là, qui était un petit peu plus bar par après, encore avec des dégustations, c'était bar open pour le salon Jack Daniel's, mais on voyait quand même qu'il restait des gens qui étaient intéressés à déguster d'autres vins, puis c'était très intéressant en fait. Donc, j'ai goûté 4 vins, entre autres, que je vais vous présenter. 2 rouges, 2 blancs. Ah! Oh, c'est tellement équitable. Je sais, un petit classique comme ça. puis, il y a une sommelière dont je veux vous parler en particulier. Je sais que c'est pas nécessairement une sommelière que toi, Mathieu, tu aimerais peut-être discuter parce que, bon, parfois, elle fait des chroniques à TVA. Oh, ouais! Mais elle fait aussi des... c'est aussi la présidente des sommelières du Québec. Donc, je trouve ça quand même cool que ce soit une fille. Hey, parlant de sommelière, j'aimerais ça avoir, mettons, il devrait ouvrir une boutique, OK, pour vraiment comme t'aider à choisir le parfait soulier pour tes pieds. Puis appeler ça une sommelière. Pourquoi? Une sommelière. Oh boy. Une sommelière. Une sommelière, c'est le vin. Ah, OK, excuse-moi. C'est un SO, Mathieu. SO, comme le garage! Comme le garage! Okay. bien, en fait, la sommelière dont je vais vous parler, c'est Jessica Arnois, qui fait plusieurs chroniques dans différents types de médias, là. C'est pas nécessairement juste à TVA, sachez-le. Mais elle a lancé dernièrement une gamme de vins, donc une ligne de vins. Et ce sont des vins rouges et des vins blancs. Et j'ai eu la chance de déguster certains de ces vins. Et vous allez en entendre parler de quelques-uns aujourd'hui. Ah. Parce que j'ai quand même bien aimé ça. Donc le premier, c'est le... En passant, les vins s'appellent tous Bu. B-U, avec un accent. Ah, je sais pas. Je suis pas sûr de ce nom-là. Bu. Mais c'est italien, là. D'après moi, ça veut dire boire. J'imagine, mais je sais pas. Je trippe pas. Je pense que je vais faire la recherche Google comme là, savoir ce que ça veut dire. Ça fait comme ton grand chum Babu. Oui, traduction. Ouais, c'est vrai que... T'as raison. Ouais. Ça veut dire il a bu ou j'ai bu. Eh ben. En italien. Voilà. Cool. Ben, t'étais proche. Ouais, hein, j'étais pas loin. Donc, ce sont tous, bien évidemment, des vins italiens, vous l'aurez deviné. Le premier dont je veux vous parler, c'est le Vivere. Donc, c'est un vin rouge qui est quand même assez fruité et généreux. Comme je le disais, ça vient d'Italie. Et ça a 12,5% d'alcool. Pas si pire, honnêtement. Le prix aussi est pas extrême. On parle d'une quatorzaine de dollars, pas une quinzaine. Wow. OK, une quinzaine. Je vais arrondir, là, une quinzaine de dollars. Oublie les taxes. C'est quasiment... Ah, c'est vrai, y a-t-il des taxes? Sur du vin? Mais là, j'espère, je veux dire, en tant que tel, c'est pas un besoin de base, on s'entend. Non, c'est vrai, t'as bien raison, hein. C'est pas du papier de toilette, mettons. C'est pas du papier de toilette! Non, c'est vrai, hein. Juste ça de même. Ouais. C'est quand même assez... Ce que je veux dire, là, sur ce vin-là, là, c'est que... nécessaire pour toi. Non, c'est pas que c'est nécessaire pour moi, mais c'est que c'est quand même un vin corsé. Ouais. Tu sais, quand on dit fruité et généreux, c'est que oui, il va y avoir quand même une bonne odeur et un bon goût de fruits, mais c'est peut-être généreux au point que ça va être un petit peu plus charnu, donc un petit peu plus boisé, et c'est vraiment ce que j'ai trouvé, moi, mais peut-être que toi, tu vas y goûter puis tu vas trouver que c'est complètement différent. Tu nous en as apporté aujourd'hui, non? Malheureusement, non. Je sais. C'est triste, hein? Ouais. J'y ai pensé, en plus, j'ai juste pas eu le temps d'aller chercher. Puis je me suis dit, bon, peut-être qu'à 8h15 à matin, le vin, là, ça va peut-être après le café. À quelle heure ils font ça dans les autres radios, les chroniques de vin? J'ai jamais écouté. Ça doit honnêtement être sur l'heure du midi, peut-être, Mathieu. Peut-être. Donc, on parle d'un vin qui est quand même très, très riche en caractère. Puis ça s'allie quand même bien aux viandes rouges puis aux pâtes avec sauce tomate. Donc, quand je parlais de charnu, bien, c'est ce petit côté-là qui va faire ressortir le goût de nos aliments. Quand on parle de viande rouge, bien souvent, on va vouloir un vin qui est quand même assez corsé pour faire ressortir tout ce qu'il y a dans la viande puis tout ce qu'il y a dans nos pâtes, par exemple, si c'est des pâtes aux tomates. Donc, c'est un petit peu la même chose. C'est, comme je disais, un vin italien qui se boit quand même assez bien. Mais, sachez-le, c'est quand même assez charnu. Donc, si vous n'êtes pas déjà à aimer les vins charnus, je vous dirais de peut-être pas aller chercher celui-là, mais faites le tour pareil. T'sais, lisez l'étiquette, puis vous allez peut-être très bien aimer ce que vous allez lire sur l'étiquette et aimer le vin. Charnu, c'est la nouvelle émission à Musique Plus, hein, c'est Célibataire et Charnu. Là, c'est Célibataire et Charnu, là, la fameuse émission. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Le deuxième vin dont je vais vous parler, c'est un Carmen Gran Reserva Fumé Blanc. C'est un vin chilien à 13,5% d'alcool. On parle encore une fois ici d'une quinzaine de dollars à la SAQ. Sachez-le, ils sont tous à la SAQ, ceux dont je vous parle. C'est pas un vin qui est relié à la gamme de Jessica Arnaud. On va retourner à la gamme de Jessica Arnaud un petit peu tout à l'heure parce que j'en ai dégusté plusieurs. Mais c'est un vin que j'ai eu la chance de déguster et que j'ai trouvé quand même très, très surprenant. Je pensais pas que ça allait être comme ça. C'est fruité et vif. Moi, je dois dire que mes vins blancs, je les aime moins fruités, moins sucrés. Je les aime un petit peu plus secs. C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes goûts en termes de vin, mais si vous êtes du style à aimer les vins secs, ce vin-là, c'est quand même un vin qui est quand même assez bon en bouche et pas nécessairement trop fruité. La plupart du temps, quand on va boire un vin blanc, c'est ce goût-là qui va nous taper peut-être sur le cœur à un certain moment, c'est que ça va être sucré. Donc, si on y va pour un vin sec, ça va peut-être être moins agressif lorsque vous allez manger. Donc, si on y va avec ce vin-là, c'est quand même faible intensité, mais quand même sec. Donc, c'est un nez qui a des notes un petit peu végétales. Vous allez sentir un petit peu cette espèce de fleur-là. Je ne vais pas dire florale, mais quand même des notes florales. Et c'est également agrémenté de parfums de citron, de lime et d'herbes fraîchement coupées. Donc, c'est vraiment le côté que j'ai aimé au vin. C'est que c'était très, très, très frais, mais en n'étant pas sucré. Puis ça, c'est comme je le disais, c'est quelque chose que moi, j'aime pas nécessairement que mes vins blancs soient extrêmement sucrés. J'aime quand ils sont secs. Et cette côté fraîcheur-là, bien, ça me démontrait quand même une agréable fraîcheur, bien évidemment. Mais il y avait des gens qui passaient avec des petits plateaux de... de dégustation. De dégustation. Mm-hmm. Et j'ai trouvé que ça se mariait quand même bien à des fromages. Okay. Donc, malgré le tout, là, il y avait des notes de fruits exotiques, de petits boisés, mais ça restait souple. Tu sais, ça restait pas un gros vin agressif. Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait des petites dates en bacon? Ça va bien avec ça aussi? Dates en bacon? J'ai jamais goûté ça. C'est bien à la mode dans les dégustations de même, moi. Non? Ben, j'en ai pas vu. En tout cas, il y en avait peut-être. Je veux pas dire n'importe quoi. Mais j'étais quand même un petit peu occupée, donc j'ai pas eu le temps de faire le tour puis de déguster à tout. Tant d'alcool à goûter. Donc, du côté, comme je le disais, du côté olfactif, du côté du nez, si vous sentez ce vin-là, bien, il va y avoir ces espèces de notes florales, fruitées et végétales. Là, vous allez le sentir. Les agrumes dont je parlais, le citron et la lime, ça aussi, vous allez le ressentir. Puis si vous êtes du style à aimer les vins frais, bien, allez-y pour celui-là parce que c'est vraiment très, très frais. C'est pas agressif en bouche. Et du côté de l'acidité, par exemple, c'est pas trop, trop acide non plus. Donc, c'est un vin qui se boit quand même très bien seul, je vous dirais, même si vous voulez pas nécessairement le mélanger à quelque chose qui va se manger, là, si vous voulez pas nécessairement manger en buvant ce vin-là, ça se fait super bien, mais si vous êtes du style à vous dire « j'aimerais ça boire un petit vin blanc en suspens ce soir », bien sachez que ça va aller très très bien avec des crevettes grillées, avec des bouchées de poire, de pommes, tu sais, des petits tapas là, de ce côté-là. Des bâtonnets de poisson aussi, ça se fait super bien. On parle de fruits de mer en général pour la fraîcheur que ça va les faire ressortir. Donc si vous êtes du style à vouloir essayer ça en mangeant, bien allez-y. Un autre vin rouge que j'ai dégusté, c'est l'autre vin rouge de la gamme Bu de Jessica Arnois. J'ai eu la chance de déguster les deux. Et je vous dirais que ça, c'est un petit peu moins corsé que l'autre. C'est un petit peu plus souple, donc ça va être un petit peu moins agressif en bouche. Encore une fois, c'est italien, donc ça va bien se marier quand même aux viandes, c'est-à-dire le bœuf, le poulet, le porc. Ça se mélange super bien aussi au fromage, apparemment. Donc, c'est des arômes de cerises rouges, des touches, encore une fois, quand même assez florales, mais pas trop agressantes. Parce que des fois, il y a des vins qui sont très, très florales, mais très, très agressants. Comme un parfum de vieille bonne femme. J'osais pas le dire, Mathieu, mais maintenant que t'en parles... Elles ne sont pas à l'écoute. Ouais, exactement. Donc, tu sais, ça a quand même un bon équilibre entre le souple et le corsé, un petit peu justement de ces fameuses arômes de cerises rouges-là. Et parce que vos barbecues en amis méritent le meilleur des meilleurs, bien, c'est un vin qui se marie très, très bien à si vous faites un barbecue, des viandes cuites sur le barbecue. Par exemple, une bavette de bœuf. Si vous faites aussi des côtes levées, c'est un vin qui peut très, très bien aller avec ça parce que ça va pas les choses de même le matin. Ah, des côtes levées. Parce que c'est un vin qui va aller justement faire ressortir ces fameuses arômes-là de la viande rouge. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est un autre vin rouge. Voilà. Il y a aussi un vin blanc de la gamme Bu. Sachez-le, mais je ne l'ai pas dégusté, malheureusement. Je me suis dit, OK, là, j'ai assez passé de temps à cet établi ici. Je vais aller déguster un autre vin blanc. J'avais dégusté le vin blanc Étienne. J'essaie de le retrouver. Ça ne sera pas très long. Étienne Marceau, voilà, il est ici. Donc, c'est un vin qui est quand même aux arômes veloutés. Fruité, vif encore une fois, mais pas trop sucré. C'est vraiment un vin que je recherchais quand que j'arrivais à une table puis je disais qu'il y avait plusieurs sortes de vins blancs. Je disais, moi, le vin sucré, c'est moins mon genre. Allez-y plus vers le sec. Tu sais, c'est quoi votre vin blanc le plus sec, mettons, dans la gamme que vous avez? Parlez-moi-en de ce côté-là. Donc, on parle d'origine de France. C'est un vin blanc français avec une belle couleur, honnêtement. C'est pas trop un jaune agressant comme on peut voir certaines fois chez les vins blancs. T'es dans main superficielle de juger la couleur de ton vin. Je sais, hein, c'est terrible. Mais sache que quand je vais vous parler des façons de déguster le vin, les yeux sont une partie très importante. Sachez-le. Donc, on parle ici d'arômes, d'agrumes, encore une fois, de fleurs blanches. Donc, ça se marie très bien, par exemple, au saumon fumé, au saumon, au risotto, crevettes, encore une fois, ces fameux fruits de mer-là. Et ça va aussi très bien se marier au poulet, qui n'est pas nécessairement cuit sur le barbecue, qui n'est pas nécessairement grillé. Mais si vous y allez, exemple, avec une sauce tzatziki ou une sauce légère pour votre poulet, ben c'est un vin qui va quand même très bien, très, très, très bien se boire de ce côté-là. Voilà. Je parlais tout à l'heure des fameuses façons de déguster le vin. Parce que je suis du genre à pas vouloir passer pour une niaiseuse. Direct si à la bouteille, quelque part. Toi. Direct à la bouteille. Ben oui, exactement. Direct à la bouteille, on niaise pas avec le pote. Non, mais je suis quand même du genre à pas vouloir avoir l'air d'une niaiseuse si je vais, disons, à une dégustation de vin. Je veux pas avoir l'air de pas savoir comment faire. En le versant dans un bol en buvant avec ta langue. C'est ça, avec une grosse paille de slush. Ouais. C'est pas le top. Pas le top. Mettons. Mais si vous êtes du genre à vouloir justement vous aussi, même juste chez vous, savoir bien comment déguster votre vin, savoir comment bien le goûter, bien sachez que ça se fait en quand même 4 étapes assez faciles. La première étape, c'est l'étape visuelle. Donc, vous allez incliner votre verre au-dessus d'une surface qui va être blanche et vous allez observer dans un premier temps sa limpidité. Donc, qu'est-ce que c'est? Si ça va être gras, si ça va être opaque, si ça va être plutôt transparent? Nuageux, lucide, opaque. S'il mouille dans votre verre. Oui, c'est ça. Donc, vous allez voir aussi s'il va y avoir la présence de particules qui va indiquer le degré de filtration qu'il y a eu dans le vin. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Vous allez y aller avec vos yeux. T'as pas peur d'avoir l'air un petit peu prétentieuse si tu fais ça? Pourquoi est-ce que... Équilibrer les blancs de ton vin. Pourquoi est-ce que j'aurais l'air prétentieuse si je veux bien déguster mon vin? Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais tout seul, mettons, tu vas vraiment faire ça tout seul? Ben, je dois avouer que c'est quelque chose... Parce que oui, je fais tout seul. Ouais. Mais tu sais, je l'ai fait tout seul, quand même. Ça dépend si c'est un vin nouveau. Tu sais, si c'est un vin que j'ai déjà bu, là, puis que c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est un vendredi soir avec mes amis, je veux pas nécessairement faire ça, là, on s'entend. Mais si je veux découvrir ce vin-là, savoir si je vais apprécier ce vin-là, oui, c'est quelque chose que je vais faire. Tu fais une douche oculaire, tu le mets directement dans les yeux. C'est ça. Je me verse. Ça va directement dans les vaisseaux sanguins, je pense. Ah oui, exactement. Par la suite, on va regarder cette espèce de couronne que ça va faire autour du verre. Donc, on va garder la bordure du verre. C'est un aspect qui est quand même brillant puis qui va révéler aussi l'acidité que le vin va avoir. Donc, vous allez pouvoir voir l'acidité qu'il devrait y avoir selon la couronne qu'il y a autour du vin. Puis, par la suite, bien, ça va être la robe, donc la couleur, l'intensité du vin que vous avez devant vous. L'étape numéro 2, c'est le nez. Ah, le évidemment. Nez. Oui. Le côté olfactif. Merci beaucoup. Donc, on parle d'un premier nez, par exemple. Sachez-le, pour l'étape numéro 2, c'est le premier nez. Donc, faut pas avoir peur d'avoir l'air niaiseux si vous êtes à une dégustation de vin, parce que probablement qu'en partant, tout le monde autour de vous va faire ça. Ouais. Mais vous allez devoir plonger votre nez dans le verre et prendre une bonne bouffée. Là, oui, là. Sans l'inspirer. Rentrez-le pas dans vos narines, quand même. Pas de paille non plus, encore. Non, exactement. Mais à ce stade-là, vous allez déterminer quelle est votre première impression du vin. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que vous allez pouvoir dire si vous allez peut-être apprécier ce vin-là ou si vous n'avez pas nécessairement l'apprécié selon la première. Tu sais, on dit la première impression est toujours la bonne. Ouais. Ben, c'est un petit peu la même chose avec le vin. C'est la première bouffée que vous allez prendre de ce vin-là qui va vous dire je suis pas sûre, je pense que ça va être trop charnu pour moi ou ça a l'air sucré ce vin-là. Donc, vous allez vraiment y aller avec la première bouffée du nez et c'est vraiment là que vous allez savoir. Donc, ça va être franc comme idée. Parfois, vous allez vous dire je suis pas sûre, mais je vais quand même y aller. Donc, c'est vraiment là aussi que vous allez pouvoir savoir les premières étapes de ce qu'il y a dans le vin. Donc, par exemple, les fruits, quelle sorte de fruits vous allez pouvoir ressentir. Tout à l'heure, je parlais d'arôme floral. Bien souvent, c'est là aussi, à la première odeur, que vous allez pouvoir voir s'il y a des notes de fleurs, s'il y a des notes épicées aussi. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de certains vins charnus. Bien, à ce moment-là, c'est... Quand ça va être très, très charnu, là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir ressentir à la première bouffée de votre nez. Par la suite, l'étape numéro 3, ben, c'est le deuxième nez. Ah, okay. Le second nez qu'on appelle. Donc, vous allez faire tourner le vin dans votre verre, OK? Ça, c'est l'étape où que vous avez l'air un petit peu superficiel. Donc... À date, toutes les étapes sont pas mal de même. Ben là, l'étape numéro 1, c'est pas super, là, regardez votre vin. Étape numéro 2, prendre une bouffée, OK? Ouais. Mais là, quand vous allez faire tourner votre vin, ça se peut que vous fassiez juger un petit peu, sachez-le, mais si vous appréciez le vin, pourquoi pas, hein? C'est ça. Donc, vous allez le faire... Assumez-vous. Ben oui, exactement. Vous allez le faire tourner pour que ça mette vraiment en contact l'air avec le vin. Aha. Pour que les arômes puissent se libérer de façon très, très puissante. Puis, c'est là aussi qu'ils vont venir rechercher toutes ces fameuses arômes-là. Et si vous constatez une intensité aromatique beaucoup plus intense que le premier coup, bien, c'est qu'il va vraiment falloir envisager que vous allez peut-être soit apprécier ou aucunement apprécier le vin que vous êtes à veille de goûter. Donc, dans le cas contraire, bien, le vin qui va être arrivé à maturité et qui va être trop oxygéné, bien, ça va juste faire dégrader le goût du vin, sachez-le. Donc, si vous êtes du genre à vouloir déguster un vin et vous demandez s'il est bon, mais s'il a l'air trop fade peut-être ou trop oxygéné, ça peut aussi venir faire en sorte que vous n'allez pas avoir une très très bonne expérience gustative lorsque vous allez le goûter. Voilà. Donc, lorsqu'on parle du second nez, bien là, c'est vraiment à ce moment-là que vous allez être capable de dire « Oui, tout à l'heure, là, je chantais le bois, là, cette espèce d'effet épicé-là. Tantôt, je chantais peut-être... je sais pas moi, par exemple, du jasmin ou de la camomille. » Tu sais, vous allez vraiment pouvoir peut-être même y aller de façon spécifique sur ce que vous sentiez, sur les arômes que vous sentiez au premier coup que vous y avez tout simplement senti. Par la suite, l'étape numéro 4, qui est l'étape que tout le monde aime, parce que sachez-le, là, vous n'avez pas encore mis le vin dans votre bouche. Bien évidemment, l'étape numéro... C'est long, là. Je sais. C'est long. L'étape numéro 4, c'est l'examen gustatif. Oui, c'est le temps de se le mettre en okay. bouche. On peut pas le toucher avant, on patauge pas la main dedans. Non. Ah, brassez-le okay. pas avec le bout de votre doigt, là. Non. Donc, l'examen gustatif, qu'est-ce que c'est exactement? Bien là, à ce moment-là, vous pouvez le mettre dans votre bouche, le faire bouger un petit peu dans votre bouche. Allez pas tout de suite l'avaler parce que malheureusement, votre langue, les papilles gustatives de votre langue n'auront pas nécessairement le temps d'absorber tous les arômes que vous allez lui donner. Ils sont pas prêtes pour autant de saveurs. Exactement. Ouais. Donc, si vous voulez vraiment avoir une bonne expérience du vin que vous allez déguster, mais faites-le bouger en bouche. Faites-le bouger sur vos... comment t'appelles ça, Mathieu? Papilles, lèvres. Non. Hein? Gencives. Gencives. Oui. Quand même. Les gencives aussi vont être du style à pouvoir vous donner des indices sur les arômes d'un vin. Donc, allez-y de ce côté-là et c'est vraiment par la suite la langue qui va vous faire dire si vous aimez ça, bien évidemment, vos papilles. Donc, on se rappelle que l'acide, c'est pas mal les deux côtés de la langue. Le salé, ça va être le milieu. Si votre vin est amer, c'est que vous allez le ressentir beaucoup plus à l'arrière de votre langue. Et si c'est un vin sucré, par exemple, un vin blanc très sucré, bien, ça va être beaucoup plus au bout de votre langue que vous allez le ressentir. Et là, on a appris aussi le umami et le amidonné, là, dans les dernières semaines. Ben oui. Tu sais, les cinquième et sixième goûts. Oui, ouais, oui, c'est vrai. Ouais. T'as bien raison. Donc, après cette étape-là, bien, vous avez quand même dégusté votre vin. Vous êtes capable de dire que si vous avez apprécié ce genre de vin-là, et bien évidemment, bien, vous pouvez continuer à boire. Quand, mais je comprends. T'avais dit que tous les sens étaient mis à profit, puis t'as pas écouté ton vin. Ah, c'est vrai, je l'ai pas écouté. Mais tu peux l'écouter quand tu le fais bouger dans ta bouche. Ah ouais, ouais. Puis est-ce que tu ouvres la bouteille à côté de ton oreille? Oh, crime. C'est quand tu la débouches. Tu l'as la faire? Wow! Je suis impressionné. Voilà. Ouais. Merci, Tania. Ça fait plaisir. C'est correct, de vin comme ça, on n'en parle pas souvent. Étrangement, non. Avec toi, on pourrait parler plus souvent d'alcool. Mais c'est ça. Parce que je veux pas nécessairement parler de quelque chose que je connais pas super bien, ouais. Mais j'aime bien découvrir beaucoup plus de sujets sur le vin, puis justement faire peut-être même découvrir comment déguster des vins de cette façon-là. Donc, oui, j'en parle pas souvent parce que j'ai peur de passer pour une niaiseuse. Voilà. Ah, wow, c'est fantastique quand même quand on parle. Donc, merci, Tania Baudin. Les noms des liens vont être sur la page Facebook, oui. L'assemblage requis dans quelques instants. Puis moi, ben, j'ai trouvé ce que je voulais te montrer, que je vais te mettre en lien, en commentaire sur ce que tu vas poster. Fait que aussi que tu vas l'avoir posté, je vais te poster l'affaire que je vais te montrer. OK. Ça te va, ça? C'est bon. Parlant que nous, ben, je pense qu'on s'envoie directement vers un coma avec autant de vin. Donc, voici les goules et coma. Plongé dans le coma. Cool. Et la pièce Coma au retour. Il nous reste encore un petit 20 minutes avant la prochaine émission. Donc on va faire les instructions d'assemblage. Restez là. Assemblage requis. Aujourd'hui, assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Ça sent bien. Un jour, ça va partir. C'est ça, 2 gigs de RAM. Yeah, boy! Hein? Bon, on est toujours à Assemblage Requis en ce lundi 26 septembre 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plon. OK, oui, on est équipés pour veiller pour encore une petite vingtaine de minutes avant l'émission C'est fou, le sexe qui commence à 9h30 depuis deux semaines, je crois. Bref, depuis l'automne. Hein, mm-hmm. Si on veut. Donc, ils s'en viennent tout à l'heure. Restez là pour eux. Mais nous, avant ça, on va essayer d'apprendre à mieux vivre à peine, légèrement. On va essayer, en tout cas, si l'ordinateur veut bien faire jouer la chanson thème des instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! Les instructions d'assemblage, la chronique dans laquelle on apprend à mieux vivre, un conseil à la fois, sans essayer de vous convaincre nécessairement de tout faire ça. Choisissez-en un quand ça vous tente, ceux qui vous intéressent. Ok, t'es en train de nous dire que tu vas pas nécessairement nous rentrer une idée dans la tête et obligatoirement nous faire comprendre que c'est ta seule idée qui est bonne. Ce ne sera pas de la propagande, ah, voilà, comme on l'appelle. Merci. Non, mais c'est. On va en parler en ondes. Je pense que oui, je pense que ça fait jaser pas mal. Ben, vous vous rappelez, il y a peut-être, je sais pas, je dirais 6 mois environ, on avait Samuel Girard qui faisait une chronique de politique de droite et puis nous, à un moment donné, on était d'accord avec un ou deux de ces faits qu'il avait apportés, donc on s'était fait traiter de propagandiste et de tous les noms possibles par téléphone, par courriel, par Facebook, peu importe, parce qu'on avait l'opinion contraire de notre auditoire. Bon. Oui. Aujourd'hui, on a parlé à quelqu'un qui est un petit peu de gauche dans notre chronique politique en début d'émission, et là, évidemment, on se fait traiter encore une fois de propagandiste parce que apparemment que t'as pas le droit d'avoir une opinion sur à peu près n'importe quoi qu'il y a de politique. C'est ça. Non, Ada, apparemment, on n'a pas le droit de jaser de politique à la radio. C'est ça. C'est un petit peu, je trouve, extrême comme façon de voir les choses. Oui, comme opinion, mettons, de dire qu'on est propagandiste. C'est un petit peu, en tout cas, je sais qu'il faut vraiment pas embarquer sur les trucs de fascisme, mais quand même. Donc, les instructions d'assemblage, c'est la chronique où on se donne des conseils de vie. Comme je disais, commençons par toi. Je sais que Tania, t'as posté ta photo sur Facebook de ton agenda avec quelque chose dans chaque case horaire et t'étais complètement submergé dans les tâches à faire pendant la semaine. Tu cherchais une façon de te libérer. Donc, le premier conseil parle de ça. Si t'as l'impression d'être toujours occupé, il faut vider ta bande passante cognitive. OK, c'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si du jour au soir, t'as l'impression de ne pas avoir assez d'heures dans ta journée, ça peut venir du fait que ta liste de tâches a l'air infinie. Donc, pour combattre ça, il faut focusser sur libérer ta bande passante cognitive au lieu d'en faire plus. C'est l'auteur de productivité Tony Crabb qui dit à la BBC que notre travail dans le monde moderne tourne autour de des connaissances et non pas du travail manuel. Ça va venir à quelque part, vous allez voir. Donc, si tu travaillais sur une ferme, il y avait seulement un certain nombre d'heures de soleil, donc tu devais absolument t'en occuper pendant ce temps-là. Tu savais précisément quand tu avais terminé, tu terminais au coucher du soleil. Ta boîte de courriel, par contre, est toujours en train de se re-remplir. Donc, t'as pas vraiment de fin à ça, ce qui peut mener à une futilité à essayer de finir ton travail. Donc, le scientifique du comportement, Eldar Shafir, décrit ça comme un problème de bande passante cognitive. Donc, c'est que tu as seulement un certain nombre de choses sur lesquelles tu peux focusser dans une journée. OK? Donc, que ce soit ton argent ou ton temps, tout ça sont des... viennent nuire à ton esprit. Donc, ça va un petit peu, ça va t'empêcher de prendre des bonnes décisions. Donc, quand t'es occupé, t'as plus de chances de mal choisir comment répartir ton temps. Tu vas prendre des engagements que tu sais que tu pourras pas accomplir. Tu vas prioriser des tâches qui sont inutiles versus des tâches cruciales en les mettant au même niveau, si on veut. Donc, ça devient une spirale vicieuse. Mm-hmm. T'as l'impression de toujours être occupé, ce qui fait que t'es toujours plus occupé. Hein? Donc, dans la réalité, tu travailles peut-être pas plus que tu devrais, ça dit que t'es juste stressé parce que ta liste est sans fin. Donc, pour combattre ça, il faut se donner quelques heures dans la journée où tu fermes tes courriels, tu t'es pas au bureau, tu te débranches d'Internet. Et si t'as l'impression de perdre des heures de productivité, tu peux toujours juste les remettre à plus tard, évidemment, comme on dit toujours. Mais c'est ça, c'est que ta liste, dans le fond, faut que tu y ailles par priorité à la place de tout le temps avoir une longue liste sans fin qui redevient plus grosse. Plus tu accomplis des tâches, plus il y en a d'autres qui arrivent. Faut que tu arrêtes ça. OK. C'est ce qu'il faut que tu arrêtes de faire. D'accord. Ensuite, tiens, on parle encore une fois de processus mental. C'est de limiter l'information que tu as à processer dans ta tête pour éviter la brume mentale. Il y avait beaucoup de brume ce matin. Oui. Donc, à l'époque de l'information, de la surcharge d'information, c'est facile d'en apprendre plus sur à peu près chaque sujet. Par contre, ces informations-là vont des fois nuire à ton cerveau en ayant trop de choses en tête. Bon. Donc, si tu te forces à processer trop d'informations dans ta tête, tu vas arriver à ce qu'on appelle la brume mentale. Donc, c'est le site de nouvelles et de connaissances Big Think qui nous explique que... ils disent que notre cerveau a pas évolué assez pour être capable de prendre toutes les informations qu'on lui donne. OK. On est fait pour aller avec une simple tâche mentale à la fois. Même si les gens pensent qu'ils font du multitasking, tu vas souvent dire « Ah, je fais du multitasking en ce moment, je fais plusieurs choses en même temps. Ouais. » En fait, non, t'es juste en train de changer rapidement d'une tâche à l'autre. Okay. Tu fais rarement les deux en même temps. T'es en train d'en faire un petit peu d'une, un petit peu de l'autre, un petit peu d'une, un petit peu de l'autre. Donc, si t'es sur ton téléphone tout le temps, que t'es au magasin, t'es sur la route, t'es au travail, peu importe, t'es tout le temps en train de changer d'une petite tâche à une autre. Donc, ça mène à une surcharge cognitive qui s'appelle la brume mentale. Et ça peut nous faire mal à long terme. Donc, on dit que le multitasking, ce qu'on appelle le multitasking, ça va augmenter la production de cortisol, qui est une hormone de stress, et de l'adrénaline, ce qui peut surstimuler le cerveau et causer une brume mentale. Il faut écouter les experts par rapport à ça, nous dit-on. Donc, on nous dit comme exemple, tu sais, que si tu tombes sur un article d'un scientifique, mettons Neil deGrasse Tyson, si t'aimes pas quelque chose de son article, et particulièrement si tu ne le comprends pas, tu vas aller laisser un commentaire en dessous de son article pour dire comment il a tort, et là, t'as le pouvoir de dire à cet expert qu'il a tort, peu importe si t'as pas toi-même un diplôme. Donc, ta réaction émotionnelle à ces faits et tout ce qui va t'importer à toi. Plus simplement dit, donc, le plus d'informations tu as à gérer dans ta tête, moins de temps tu as à lui donner le temps que ça nécessite. Donc, pour réfléchir avant d'agir, c'est ce que ça veut dire, à la place de tout agir de façon, abrupte, mm-hmm. Tu devrais peut-être réfléchir à ton affaire. Bon. Ensuite, on nous dit d'essayer de faire les choses de la façon difficile pour améliorer le processus. Des fois, tu as l'impression que tu devrais tout le temps passer par le chemin facile, par un raccourci. Hein? Donc, si tu as le choix de faire quelque chose de la façon facile ou de la façon difficile, pourquoi choisir la façon difficile? Donc, l'écrivain ou l'auteur en productivité, Seth Godin, nous dit que de mettre des limites artificielles sur soi-même peut nous aider à comprendre comment réparer le chemin pour s'y rendre. Donc, quand tu vas faire les choses de la façon facile, ton processus va être encore meilleur parce que tu as réussi à passer au travers de la façon difficile. Il utilise l'exemple de Toyota qui a enlevé un surplus de morceaux dans leur processus d'assemblage. Donc maintenant, si quelque chose brisait, ils ne pouvaient pas le remplacer avec quelque chose de pas cher. Attends un peu. Je comprends pas ce bout-là. Attends un petit peu. J'essaie vraiment de comprendre. Je m'excuse, ça va prendre 2 secondes. Pourquoi est-ce que tu enlèverais quelque chose de relativement pas cher? La réponse est que si... Attends, c'est un buffer dans la voiture. OK, un buffer. Okay. Donc, la réponse, c'est que sans le buffer, tu vas baisser le niveau... Je comprends rien en char. Baisser le niveau d'eau, je m'excuse. Je comprends pas le truc de char. C'est pas grave. Donc, on a dit que tu peux essayer ça dans tes projets personnels quand même. On va y revenir à quelque chose que je connais plus. Donc, si t'es habitué de dessiner quelque chose sur l'ordinateur, essaie de le faire à la main. Ou tu peux pas faire CTRL-Z. Donc, d'habitude, tu peux utiliser un logiciel, quelque chose pour automatiser ta tâche. Donc, d'essayer de le faire sans automatiser la tâche pour devenir maître de ça, pour te faire voir le processus de loin et te faire apprécier peut-être la tâche plus facile après. C'est ce que j'en comprends. T'as pas à faire tout le temps les choses difficiles, difficilement. Idéalement, pas quand t'as pas beaucoup de temps devant toi, mais de prendre le temps de le faire pour t'aider à améliorer le processus. Voilà. Ça a du sens quand même, mais son exemple de voiture, je ne le comprends pas. Ouais, non, c'est pas très clair, en fait. Non, Ensuite, trois exercices très simples pour améliorer votre posture quand vous êtes à l'ordinateur. Donc, si tu travailles à l'ordinateur, évidemment, la posture, c'est important, mais c'est difficile de s'en rappeler toute la journée. Donc, c'est trois petits exercices qui vont vous aider à calmer les effets de se pencher les épaules par en avant. Donc, il y a plusieurs exercices pour ça. C'est selon Outside Magazine qui va vous faire bouger aussi et sortir de votre chaise. Pour commencer, on nous demande de nous mettre sur l'estomac et de mettre ses bras au-dessus de sa tête. OK. Ensuite, on va lever son bras droit sur le côté et ensuite par en haut en utilisant le poids pour vous aider à rouler de l'autre côté une fois ou deux, de faire un roulé. Et ensuite, on utilise le bras gauche pour rouler dans l'autre direction. Et on va focusser sur le poids du bras. Attends un peu. Encore une fois. Ils ont l'air vraiment intelligents de faire ça dans l'herbe, là, vraiment comme ça. Intelligent, c'est ça. C'est pas nécessairement fait pour le bureau, je pense. Ouais, non, je pense pas. C'est pas nécessairement fait pour le bureau. Faites pas ça dans votre bureau, sérieusement. Non, sérieusement. Ensuite, on dit de se mettre sur ses mains et sur ses pieds. Et on va doucement se balancer d'avant en arrière en poussant les hanches vers les pieds. Et ensuite, on va revenir par en avant. On peut aussi faire des hochements de tête dans cette position-là pour amener son menton à sa poitrine et le remonter, ce qui va relaxer les muscles du cou et du haut du dos. Et finalement, on parle de ramper. Donc, à quatre pattes, on va ramper de quelques pas et ensuite, on va revenir par en arrière. On peut exagérer les mouvements des hanches vers le sol si vous êtes confortable avec ça. Étirez vos hanches. On peut regarder aussi sur le côté en rampant pour étirer son cou. Et en faisant ces exercices-là, on va garder la tête et les épaules bien droites et les hanches vers le bas autant que possible. Il y a une petite vidéo qui vous montre comment faire. C'est un peu difficile à décrire comme ça en mouvement à la radio, mais quand même, ce sont des exercices pour améliorer votre posture. Encore une fois, pas nécessairement au bureau. Même, je dirais, pas du tout au bureau. Ouais. Un autre conseil qu'on m'a souvent suggéré dans la vie, c'est de payer en argent parce que ça fait que tu vas moins dépenser. C'est vrai, ça. C'est vrai. Donc, on a tendance à mettre plus de valeur sur les articles ou sur les choses qu'on paye avec de l'argent parce qu'on se sent plus connecté à l'achat. C'est une étude récente financée par le Consumer Financial Protection Bureau qui nous apprend que les consommateurs vont dépenser moins d'argent lorsqu'ils paient avec de l'argent, surtout lorsqu'ils sont exposés à des rappels fréquents. Donc des rappels fréquents de quoi, on va voir. L'étude nous apprend donc que 14 000 clients d'Union de crédit, des compagnies de crédit, qui avaient tout le temps une balance sur leur carte de crédit. Ça veut dire que tu payes ta carte de crédit, mais en même temps tu dépenses dessus, donc ta balance est tout le temps en roulement. Donc ils voulaient voir si cette règle-là de payer avec de l'argent pouvait aider à baisser leur dette de carte de crédit qui est tout le temps en roulement. Donc ils ont testé deux choses. Une était de payer en argent pour les achats de moins de 20$ et la deuxième était de rappeler aux clients que de payer avec une carte peut ajouter 20% à un achat lorsque tu as une balance qui est tout le temps en roulement. Évidemment, parce que tu es toujours en train de payer plus sur ta carte de crédit, donc tu as de plus en plus d'argent à payer en termes de frais. Bref, ils ont envoyé ces courriels-là par courriel et par annonce publicitaire, par bannière sur Internet. Ils ont même aussi envoyé des aimants aux clients avec ces deux rappels-là. Premier rappel, c'était « Don't swipe the small stuff, use cash when it's under $20. » Donc, glissez pas, parce qu'aux États-Unis, il faut glisser la carte. Là. Mais passez pas, si on veut, pour les petits achats lorsque c'est moins de 20$. Et « Credit keeps changing, it adds approximately 20% to the total. » Donc, le crédit change toujours et ajoute en moyenne 20% à votre total. L'étude donc nous apprend que les clients qui recevaient un rappel de payer en argent avaient moins de dettes à roulement 6 mois plus tard. C'est peut-être pas beaucoup, mais quand même. Non, c'est vrai. Faut moins commencer par quelque chose. Donc, quand tu paies de l'intérêt sur une carte de crédit qui continue de rouler, ça va toujours t'en faire plus. Une étude de 2012 nous apprend que les gens étaient prêts à dépenser deux fois plus pour quelque chose qui était payé avec une carte de crédit versus de l'argent, parce que c'est pas ton argent en tant que tel. OK. J'imagine. Donc, de petites actions qui peuvent vous profiter dans la vie. Et dans le même concept, ne pas avoir de dette, c'est mieux que d'avoir un très bon crédit. Donc, votre score de crédit est très important, surtout parce qu'un mauvais crédit peut rendre votre vie difficile. Par contre, l'auteur en finance personnelle, Jay Money, nous dit que c'est facile d'oublier. Ce qui est plus important qu'un bon crédit, c'est de ne pas être endetté. Quelques sondages récents, comme un sondage de Bankrate, nous montrent que les gens de la génération Y ont tendance à éviter les cartes de crédit et d'autres dettes plus que les anciennes générations. Les experts disent que c'est surtout à cause de notre économie post-récession Les dettes étudiantes sont particulièrement élevées, par exemple, ce qui fait que les jeunes ne veulent pas avoir plus de dettes parce qu'ils ont des dettes étudiantes vraiment élevées. Éviter la dette, donc, est toujours un bon move financier. Le problème, c'est que c'est pas toujours facile à faire grâce au système des pointages de crédit qu'on comprend pas tous. Et on veut pas risquer de nuire à notre code de crédit. C'est vrai. En faisant ça. Donc, il faut avoir un bon crédit, mais surtout pas avoir de dettes. Voilà. Pour terminer presque, ouais, je pense, on va dire de faire un bucket list, mais inversé. OK. Lorsque t'es rendu à un plateau de buts, donc que t'es pas capable de trouver de nouveaux buts. On a tous des buts sur lesquels on travaille, et à un certain point, tu pourrais arriver à un plateau financier par rapport à ces buts-là, que t'es pas capable d'en avoir, de faire plus d'argent. Et à ce moment-là, c'est facile d'être impatient et de perdre l'idée en tête, que t'as en tête, dans le fond, de ton but. Donc, on va dire de faire une reverse bucket list. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sur le site de finances personnelles minimaliste Want Less, où Claire nous explique que... Donc, on peut commencer à lire au sujet de gens qui prennent leur retraite dans leur trentaine après avoir économisé comme des fous et après avoir coupé toutes les dépenses. On pourrait penser, sinon, à des gens qui vendent presque tout ce qu'ils ont et qui commencent à faire le tour du monde. On peut fantasmer sur les vies des autres, mais vouloir faire un gros changement dans votre vie est quelque chose de difficile à accomplir. Ça peut avoir, par contre, l'effet de vous rendre moins heureux dans votre réalité. Voilà. Donc, oui. Donc, à un certain point, si vous travaillez fort pour vous rendre à ces buts, vous arrivez à un point où tout ce que vous faites, c'est d'essayer de travailler sur ce but-là. Vous êtes moins inspiré, vous avez moins envie de le faire. Donc, vous êtes, insatisfait par rapport à votre vie. Donc, Claire nous suggère la reverse bucket list, une liste de choses géniales que vous avez déjà fait dans votre vie à la place d'une liste de choses que vous voulez faire. Monday. Un exercice très simple, qui pourrait même avoir l'air fou au début, mais quand même, ça va vous donner un petit peu de reconnaissance envers vous-même. C'est un rappel que la vie a quand même servi à quelque chose dans le passé. Évidemment, ça ne veut pas dire d'arrêter d'avoir des buts pour le futur, mais d'apprécier les choses que vous avez déjà accomplies. Voilà. Et ça peut vous aider à améliorer vos finances aussi, et ça peut vous aider à vous rappeler de votre but dans la vie. Donc allez voir l'article sur assemblagerequis.com. Voilà, courte chronique aujourd'hui, des sujets quand même complexes par moment. Les instructions d'assemblage sur assemblagerequis.com. Nous, ça va être à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Déjà, ça a passé vite avec une chronique en début d'émission. On recommence les chroniques graduellement, pas vite. Tranquillement, pas vite, oui. On a la chronique d'impro qui a recommencé. On a David Ferron qui est venu nous voir. Et maintenant, Valérie Deschamps. Donc, on remercie justement Valérie Deschamps pour sa chronique aujourd'hui. Elle va être de retour la semaine prochaine avec toujours autant de controverses parce qu'elle ose parler de politique à la radio. Mon Dieu! Sinon, restez à l'écoute dans quelques minutes. À 9h30, ce sera C'est fou le sexe. Ensuite, à 11h, c'est le retour, si je me trompe pas, aujourd'hui même, de La sortie de secours à votre gauche. Une émission d'opinion politique de gauche. Oh my God! Boy! À midi, pardon, la rediffusion de Rock Classique. Et puis à 20h, c'est Rock de Neuron, l'émission de rock progressif. CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. Et on se quitte avec une dernière pièce du palmarès. Allons-y avec du côté anglophone. Je pense qu'on a un petit peu moins entendu d'anglophone depuis le début de l'émission d'aujourd'hui. Donc, je sais pas. Allons-y avec, j'y vais un petit peu au hasard, là, mais j'aime bien Japan Girls. Japan. On arrive tout le temps pour dire Japanese. Ouais, c'est ça, mais c'est JPNS. GRLS Bully for You. Et on se retrouve demain dès 6h30. Bonne journée. Bon café.